Donc, c'est deux quéquettes qui discutent et il y en a une qui dit à l'autre: qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va voir un film porno? Oh non, merci, lui répond l'autre, pour rester debout toute la soirée. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée de commencer l'enregistrement par ça, Ah ouais? mais... Je suis T'en veux pas... une autre? Bah ouais, enfin... Ah bah écoute, c'est Jean Roucas, hein. Oui, bah c'est pas... D'accord, très bien. Eh ben écoute, à ta tienne, Eh ben, hein. à Jean Roucas, Agent... hein. Bah, non, pas vraiment, Non, non. bon bah... Tu sais pas ce qu'il fait Non. Bah il a viré un peu, hein. Ah, il a viré? Ah oui, il a viré, oui. Bon bah pas à Jean Bah Roucas, non, pas alors. Jean Roucas. Non, à nous. À nous, Ouais, ouais. super. Non, je suis pas l'actu de Jean Roucas. Bah il est parti à l'extrême. Ah oui, Ah d'accord. oui, complètement, ouais. Tu confonds pas avec le rouquin. Non, non, non, non, Ah non, non, non, non. Fonction de la personne? Non, non, non. Moi, je connais tous les membres du... non. Bah, moi, je suis hyper calé, C'est hein. étrange d'ailleurs. Bon, alors, attends. Reprenons. Quoi? J'ai de la culture? Ouais, c'est ça. Bah... Enfin, on peut... Alors, donc, l'intro, De la impro, ça, cultivance. c'est fait. Trinquage, Ah, attends, on moment où s'est l'on regardé dans les trinque yeux. les bières. On l'a fait ou on s'est regardé dans les yeux? Ouais. Importance, regarder, surtout prendre une... C'est bon. Maintenant, la bonne semaine. Notez ici les différents éléments. Ah, bah, ça, on l'a pas fait. Très bien. Eh, bah, dis-moi, Bob. Ouais. Attends, bah, non. J'ai pas du tout. Et bienvenue dans l'épisode 24 de cette saison 2 de Road to Hellfest. Mais t'en as plus rien à On est foutre. très content de vous retrouver cette semaine. Il est 23 h, nous sommes le mercredi 2 mai et on attaque tout de suite avec un morceau de Billy Joel. Billy Joel. Billy Joel. Ok, c'était super. Bon. Et ta semaine alors, Bob? Bah Sans écoute, transition, moi je on transite oui, pas non, ce on soir. On n'a transite pas le pas. temps, il faut Non. aller 23 h, dodo, vite. Le transit de toute façon. Ma semaine, eh bien, moins bien. Enfin, je veux dire, il y a eu des hauts, des bas, Ah ouais? les montagnes russes. Comment ça se fait? Bah, c'est comme ça, c'est la vie. C'est vrai ce que tu dis. Donc ta semaine est un petit peu à l'image de la vie? This is my life. Ouais, assez, ouais. Ok. Est-ce que tu on a quand même tiré quelque chose de sympa de tout ça? Oh, bah, il y a des points dans la gueule qui mériteraient d'être distribués. Alors écoute, je t'ai déjà dit que si on avait quelque chose à régler, on le fait hors podcast. On n'est pas obligé à chaque fois de le faire pendant qu'on s'enregistre. Ouais, mais là, c'est en l'occurrence, c'est pas avec toi. Ouais. Oh là, oh bah. Oh bah, je suis surpris. Ah bah Bah ouais, écoute. écoute, d'accord. Cool. T'as pas envie de me taper alors? Non, non, pas ce soir. Ouais! Enfin, après, on va Ah voir. bah attends, on est juste Bah, au départ. on vient de commencer. Très très bien. Eh ben, ça me fait plaisir. Voilà. Voilà. Normal. Et toi, ta petite soeur? J'ai cru Je que sais, ça allait j'étais en jamais train de arriver. m'endormir. J'ai cru que j'allais. Mais attends, je suis en train de boire un coup. C'est vrai ce que tu dis. Eh D'eau ben. pure, plate. Eh ben, moi, ouais, comme je te l'expliquais un peu en antenne, mais je suis un peu. J'ai pas de goût en ce Ouais. moment. Ouais, j'ai pas le goût Ouais. des choses. Donc, ça a été une semaine un petit peu en demi-teinte. Bon, toujours des petits problèmes de voiture. Hein. Je pense que tu m'as filé ta chkoumoune. Ouais, je suis désolé. Ça C'est se pas. dit, ça, c'est vrai que ça se transmet. C'est pas grave, je t'en veux pas. Oh, écoute. Mais non, il y a quand même eu des trucs bien. Comme je te disais, j'ai été au cinéma voir Avengers, que je conseille à tous. Hein. Il y a plein de choses à en dire, mais je le conseille quand même à tous. Ouais, non, dans l'ensemble, c'est une semaine mi-figue, mi-raisin. Mais dis donc. Ouais, non, je suis comme ça. Moi, je tente des choses. Ouais, bien sûr. Donc, je pense qu'on peut directement passer aux news. Les news du festival. Je tente. Ouais, normal, hein. Première news du festival, l'application qui a été mise à jour bah, dès vendredi, je crois. Ouais. Et en fait, alors de mon côté, moi j'ai un appareil de chez Apple. Et l'application a été mise à jour, mais il n'y avait aucune différence. Il a fallu que je la désinstalle et que je la réinstalle. Ouais, bah super, bravo. Ouais, je sais bien. Et N'importe vous quoi. de même? Bah moi je l'avais installé Tu l'avais il y a pas. peu de temps en fait. Ouais, et Donc c'est. du coup je pense que ça... Et la mise à jour s'est bien faite, normal. Ouais, je crois, ouais. Ah D'accord. ouais, tout a Donc, l'air ok. petite présentation rapide de cette mise de cette d'application. Donc, strictement rien de nouveau. Non. Alors, il paraît qu'il y a le rechargement cashless, mais bon, Oui. il y est effectivement, mais J'ai vu ça. nous n'en sommes pas occupés, car comme on vous le rappelle, personne ne sait si nous y allons. Non, bon, bref. Donc, comme d'habitude, les mêmes rubriques, l'accueil, le programme, les artistes, le plan, la playlist Deezer. On se demande pourquoi pas Spotify. Le blind test Surtout que c'est Deezer, vert en plus, c'est ça bah qui c'est me ça, fait. ouais. Et le crédit info qui parle des Ce partenaires, des serait tout joli. contacts, tout ça, tout ça. Donc c'est avec plaisir que bah, moi et Bob avons pu retrouver le blind test sur lequel nous nous sommes un petit peu. Et qui marche cette année. Ouais. Wouhou! Il marche très très bien. Et moi, j'ai fait un total de 562. J'ai dû faire 500, je t'avais dit 16 ou 40, 514. Je sais plus, 514. Voilà. Et du coup, bah, c'est assez intéressant de voir que notre podcast n'a pas servi à rien, car on a augmenté grandement notre culture. Ah bah totalement. Et qu'à côté j'étais de ça... J'étais à moins 10, moi. Ouais, c'est ça. Et que du coup, bah, en fait, l'application reprend totalement le site avec les pages artistes, la possibilité de, quand tu notes un groupe, qui soit marqué de côté pour te le rappeler quand tu voudras aller le voir. On recevrait, genre, si tu choisis un groupe, bah, tu reçois ton alerte 15 minutes avant. Et la possibilité... alors, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais dans mon souvenir, on pouvait... Ah oui, d'accord. Oui, c'est, en fait, c'est quand... Peut-être quand tu passes en... Non, il n'y avait pas un... Ah si, d'accord. Excuse-moi. Je pensais qu'en passant en mode paysage, tu avais le running order qui apparaissait. Mais en fait, non, c'est juste quand tu appuies sur l'icône en haut à gauche. Ah ouais, d'accord. Dans programme. Ouais. Et du coup, bah, tu peux... Mais par contre, je ne me... Ouais, oui, ça... Oui, effectivement. Très bien, très bien. Voilà. Donc, comme d'habitude, une page pour chaque groupe avec une top titre de l'artiste sur Deezer, des liens YouTube, Facebook, Twitter... on peut partager et bien sûr mettre en favori le groupe. Bref, l'outil indispensable de n'importe quel festivalier en herbe et aguerri. Ouais. Voilà. Ça dépend. Oh non. T'allais dire une blague pas cool. Pff, ouais, ouais, mais alors. Pas cool, pas cool. Pas cool. Très bien. Je te laisse la seconde news. Tu crois ? Faut bien que quelqu'un s'en occupe. Bah, je sais pas après. Faut voir. Bah, faut que ça tourne. Faut que ça tourne. Tu crois ? Ah bah, faut que ça reste dynamique. Alors. Ah oui. Alors, j'ai pas vu ça, moi, mais c'est de ta part. Une possible venue de Zwinkels, qui a annoncé lors de l'un de ses concerts, le groupe donne rendez-vous le vendredi sur la Warzone, un remplacement éventuel de 7 Seconds. Mais une news à prendre au conditionnel. Ce qui est bien, c'est que tu sais lire, mais pas très bien, parce que c'était pas la seconde news, mais la troisième. Ah, la là, seconde là, c'est news. Pas grave, du coup, alors... En fait, c'est notre très cher ami et presque, qu'on appelle ça, reporter, Julien, qui nous a tagué en fait dans une publication où justement, quelqu'un avait été au concert des Zwinkels, qui avait annoncé donc la veille au soir, on se retrouve sur la Warzone du Hellfest. Donc c'est grâce ou à cause de Julien que cette news, que j'ai noté cette news. Rien d'officiel, ni du Hellfest, ni du groupe pour l'instant. Ouais. Sachant que Zwinkels est le groupe dans lequel officie Gérard Bast. Mmh. Gérard Bast, qui, pour info, que j'ai croisé plusieurs fois dans notre ville. D'accord. Ouais. Dont au Leclerc et sur les remparts. D'accord. Ouais. Ça fait beaucoup de fois, ça, quand même. Bah, ça fait deux fois. Bah, ouais. Donc, on est sur plusieurs fois. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Mmh. Ouais, ouais. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, nous laisserons le public seul juge. Exactement. Personnellement, ça ne changera pas grand-chose à nous. Non plus. Mais un groupe français de plus. Voilà. Voilà. Du coup, bah, je vais faire la dernière news. La seconde. Voilà, la seconde. Voilà. Donc, comme on l'avait annoncé déjà la semaine dernière, le concert d'Ultra Vomit du Warm... Alors, petite déception, hein. Ah bah oui, oui. Quand nous n'avons un peu, oui. Pas été invités. Ah là là, malheureux. Bah, bravo, hein, à moins que les invités se soient égarés. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Moi, je pense qu'il y a eu un petit problème de pigeons voyageurs. Ah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Si elles ont été envoyées par pigeons... Ça ouais. Non, ça arrive par contre. Donc, bah, donc du coup, Alex, on t'en tient par rigueur. On suppose que toi, t'as bien fait les choses. Ah bah complètement, ouais. Non, moi j'ai totale confiance. Hein, ça a dû jouer à quoi ? Un coup de vent près puis, Ça se trouve... ça va arriver ? À quoi ? À 500 mètres ? Bah oui. Ça se trouve, tu vois, elle a fait 300, 2 km et puis... Puis, ouais. Et puis c'est ton voisin qui l'a, elle fait « ça m'intéresse pas le warm-up ». Qu'est-ce que c'est ? En plus, je m'appelle ni Jacques ni Bob et tout. Non, mais ouais. C'est un truc comme ça. Bref, lundi soir 30 avril, c'est ça ? Oui. Lundi soir 30 avril... avait eu lieu le dernier concert du warm-up. Donc, petit rappel, des concerts organisés en dehors du Hellfest pendant 13 dates, je crois. Ou ouais, un truc comme ça, ouais. Avec au programme un concert de... Oh, j'ai oublié le groupe. D'un groupe de reprise de Pantera. Vulgar of Display. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça. D'un concert d'Ultra Vomit. Et avec un concours de air guitare et la possibilité de gagner des passes 3 jours, tout ci, tout ça, voilà. Et d'autres goodies. Avec des merches. Oui. Voilà. Voilà. Bah, différent, quoi, je veux dire. Oui, voilà, mais voilà. Le mot ne te vient pas non plus, c'est non, ça. Non, c'est ça, voilà. Je suis en train de chercher mes mots. Ah là là, l'alcool, hein. Non, non, non. La fatigue ? Ah non, oui, la fatigue. Le manque de culture. Ouais, peut-être ouais, aussi. Ça ouais. Joue, ouais, non, c'est ma dyslexie et tout ça ah, oui, qui, bah, qui reprend son. D'ailleurs, ils viennent pas cette année ? Non. Non. Voilà, et du coup, pour la dernière date qui se passait au Ferrailleur à Nantes, le concert était rediffusé sur Facebook en direct. Et personnellement, j'ai zappé. Je me suis mis une alerte, mais je l'ai pas reçu l'alerte. Alors, du coup, j'ai commencé à regarder le replay. Je sais que Ultra Vomit a rejoint Power of Display sur une chanson. D'accord. Et je sais qu'entre les deux, il y a aussi une interview d'Alex, mais je ne l'ai pas regardée. Donc, bien sûr, nous nous occuperons pour la prochaine émission. Ouais. La semaine prochaine, je tiens à rappeler qu'il n'y a pas d'émission. Voilà, c'est ça. Parce que je suis en déplacement. Road to Hellfest sera en tournée dans un pays d'Europe. Attention, peut-être un meet-up. C'est une rencontre avec les fans d'un meet-up. Oui. Tu l'avais ? Non. Ah bah voilà, c'est pour ça que je te dis. Donc peut-être, attention, habitant d'Amsterdam, si jamais la voiture vient jusque-là, je viens à toi. Voilà, et donc, bah, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une très bonne démarche de pouvoir voir les concerts dans son canapé. Oui. Et c'est une très mauvaise démarche que de vouloir inviter des gens via Pigeon Voyageur. Mais bon. Le monde n'est pas parfait. Non, mais c'est bien de revenir un petit peu aux sources, quoi. Bah, voilà. C'est ça aussi l'idée. On est tous tellement sur nos téléphones et tout. Que bah ouais. S'éloigner un petit peu de tout ça, c'est bien. C'est moins évident, quoi, je veux dire. Ouais. Passons-nous aux news metal maintenant, dit. Oui, bien sûr, tout à fait. Tu commences-tu ? Allez, c'est parti. Donc, on a des nouveaux noms hein, pour les Mutokultor. Ah, cool. Donc, on a déjà Behemoth, hein, qui est apparemment le seul, parce que tous les commentaires que j'ai vus... Behemoth, Behemoth, voilà. Suivi des Tambours du Bronx, qui auront une date unique en France, et ce sera justement au Mutokultor. Non, je pense pas, non. Non ? Ah non. Ah, ils n'ont pas du tout une date unique en France, et la date unique, c'est le featuring qu'ils ont avec eux. Bah, j'ai dû voir ça, oui. T'as raison. Donc voilà, ensuite, Crouache. Mais non, mais t'as pas dit avec qui je ne l'ai pas, moi. T'as pas avec qui ça? Avec Lofo, voilà, c'est ça. Accompagné. Non, show spécial, les Tambours du Bronx, accompagné de Renaud de Lofo, Steph Buriez de Load Blast et Frankie Gostanza de Blazing War Machine, ex Dagoba. C'est ça? Non. C'est ça, mais il manque un truc. Ah bah vas-y, donne. Bah ils sont avec Sepultura. En date unique. Ouais. Oui, c'est ça. Eh ben. Et tu t'as pas parlé de Sepultura depuis tout à l'heure? Bah non, parce que ça fait longtemps qu'il a annoncé Sepultura. Oui, mais ils sont en... Ah, que c'est les deux... Ensemble, ouais. Ah, ils sont featuring Sepultura. Bah ils sont normalement... Ça... Bah, ils jouent ensemble. Bah c'est ce que j'ai compris, moi. Bah moi, c'est pas ce que j'ai compris, moi. Ah bah mince. Moi, j'ai compris que Sepultura et les Tambours du Bronx faisaient une date unique en France. Ah, mais c'est pas cette date-là? Ben, attendez, je suis en train de faire de n'importe quoi. C'est possible. C'est les deux seuls groupes, en fait. C'est les deux groupes qui font une seule date en France et c'est au Motoculteur. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Non, les Tambours du Bronx ont fait plein de dates en France. Hein. Bah, alors, mais je suis quand même. Voilà, merci. Je suis pas fou. Je demande des excuses publiques en public. Show unique en Europe, dimanche 19 août, c'est Sepultura featuring les Tambours du Bronx au Motoculteur. Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais. Donc, ensuite, Croachan, en même temps, Motoculteur, c'est... And so I watch you from afar, Ingested, Promethe, Hangman Chair officiel, and et Serre Boiteux. Voilà. Voilà. Et il y a encore 15 groupes à confirmer derrière tout ça. Et Serre Boiteux, c'est ceux qui ont gagné le... Le tremplin, ouais. Ouais. Ouais. Groupe de Rennes. Il reste encore 15 groupes. Voilà. Ça s'arrête jamais, hein, cette annonce. Non. Ah, c'est un peu long à venir, mais quand ça vient, bah, c'est là. Hein. Ouais. Putain, c'est perspicace ce que je viens de dire. Non, mais t'es le mieux, mec. News suivante. D'accord. Killwitch Engage. Le groupe, en plein enregistrement du 8e album, est en tournée avec Hatebreed et a dû repousser 7 dates de concert car le chanteur Jesse Leach, chanteur de son état. Voilà, c'est bien de se relire quand on écrit. C'est ça. Parce que du coup, ça permet de faire des répétitions agréables. Donc, ouais. Le chanteur Jesse Leach a dû se faire opérer des cordes vocales lundi, il y a donc 2 jours. Et nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement. Enfin, surtout moi, parce que je voilà. Par tout contre, ils ont dû repousser que cette date. C'est pas énorme. Ou alors, ils n'ont pas beaucoup de dates. Mais je pense que tu mets un petit moment à te remettre des cordes vocales. C'est possible. Je sais pas. Tu t'es jamais fait opérer des cordes vocales ? Jamais. Parce que ? Parce que j'ai pas envie, en fait. Ça me donne pas envie. Je veux dire, on m'a filé une brochure un jour. J'ai dit non, je suis désolé. La même brochure que j'ai là ? Je préfère me faire opérer d'une hernie discale. Oui, tout à fait. Olivier de Clisson ? Exactement. Ouais. C'est parce que c'est aussi pour meubler ? Oui, exactement. C'est mieux que les roucasseries. Hein. Ah, bah alors, tu vois ? Ouais. Non. Écoute, ça, au feu. J'en ai un comme ça, un petit peu de monsieur et madame, si tu veux. De monsieur et madame. Bah là, les fous rires de Benedette. Ah, de monsieur et madame ont un fils ? Ouais. Ah, c'est ça ? D'accord. Ouais. Bah écoute, ce sera toujours plus intéressant que Jean Roucas. Exactement. Voilà. Tu as bien compris ce que je voulais dire. Allez, à toi. On a bien compris tous. Mm-hmm. Alors, Inflames. Non, ça. C'est pas ça. Si, c'est ça. Inflames. Va organiser son propre festival, on l'avait déjà annoncé, au château de Borgholm, sur l'île suédoise de Holland. À ne pas confondre avec Holland. Voilà. Non plus. Ah, tu notes. Dexter. Hein. Ah oui, Dexter Holland. Ouais. On ne l'avait pas annoncé. Merci. Avec un O, ce serait pas mal. Parce que là, il y a 3 N, du coup, ça colle pas trop. Donc en fait, toi, tu veux qu'il y ait toutes les lettres et qu'il n'y ait pas de répétition. Ouais, non, mais j'aime bien quand les mots sont écrits en vrai, tu vois, genre quand tu les lis. Parce que là, on ne l'avait pas annoncé. Moi, ça me choque pas, moi. Ouais, on ne l'avait pas annoncé. Après, intitulé. Si tu veux que je te dise, t'as qu'à engager un ou une secrétaire, moi, ça me dérange pas. Eh bah, écoute, je vais le faire. Tu piques dans la caisse. Et par puis, exemple, château, tu vois, il manque l'accent sur le A. Intitulé Borgholm Brinner. Donc ça veut dire Borgholm brûle. Hein, si les gens parlent, Le suédois. On est polyglotte. Donc, Tout à fait. Le monde, c'est partout. Enfin, chez nous, c'est partout. Le festival sera organisé le 27 et 28 juillet 2018 et le groupe jouait en tête d'affiche les 2 soirs. Voilà. Moi, je vous retransmets tel quel, hein, c'est assez décousu. Donc, groupe annoncé... Attends, pas si tu notes, c'est que des voyelles qui montent. Oui, en plus. C'est pas... Ben voilà, tu m'as filé ta dyslexique aussi. C'est ça. Alors, donc, les groupes annoncés pour le vendredi, TBA, Comeback Kid, Dunko Jones, Rise Fist et, en dernier... Inflame. Le samedi, TBA, ouais. Tribulation, Graveyard, Bullet for My Valentine, et en dernier, Inflame. Ah tiens. Les mecs sont quand même forts, hein. Ils font un festival où ils jouent tous les jours. C'est clair. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ils sont au bar, ils sont au merch, ils sont à la pose des bracelets. Ils font des tatouages. Ils font les tatouages aussi. Ils donnent de la bière. Ouais. On est partout, moi. Ouais, c'est ça. Bah, ils font les tatouages en donnant la bière. On est obligé de jouer en dernier, on n'a pas le temps. Parce que c'est ce qu'il y a à faire. Et il passe le balai. Bien évidemment. Voilà. Madball, dont le nouvel album. Le nouvel album. Ok, d'accord, fait de la merde. Je m'excuse. Très bien. J'ai écrit un petit peu vite tout ça. C'était ce matin, j'avais pas pris de café encore. Ok, je m'excuse. Des vieux relents. De plein de trucs. De la veille. Ah, de la vie. Dont le nouvel album Fort de Cause sortira le 15 juin via Nuclear Blast. On a déjà parlé de ces groupes de hardcore qui arrivent chez Nuclear. Et donc, vient de sortir donc un extrait de l'album avec une lyric vidéo Old Fashioned. On a écouté juste avant d'enregistrer le morceau en question. Et c'est du Madball. C'est simple, rapide, efficace. Voilà, ça pète ta gueule. C'est ça. C'est Madball qui veut donner des coups de coude et péter des mâchoires. Bagarre. News suivante. Oh, ça sent encore la bagarre. Jasta. On en parlait l'autre jour. Tu te souviens ? Notre collègue de podcast. C'est vrai, frère. Jamais Jasta. Hatebreed a dévoilé la chanson 13 Uppers sais pas si mon accent est bon. Hein. Ça se lit 13 à Perse. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Ouais. Enregistré. Va te faire foutre. Enregistré avec Tommy Victor de Prong. Voilà, donc il y a le lien hein, sur notre doc. Voilà. Et vous l'aurez peut-être si un jour je fais mon taf. Voilà. Ouais, et moi pareil du coup. Hein. Voilà, c'est à toi. Mais non, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Tu l'as écouté? Oui, alors je l'ai écouté. Et bah dis donc, il y en a. C'est pas faute de dire c'est bien mon gars. Continue, enfin c'est bien, vas-y, essaye. C'est pas mal. Non, ok, d'accord. C'est zéro, voilà. Tu veux que je te dise? C'est zéro. Non, c'est pas mal, moi je trouve. Mais non! Parce que tu sais même, on sait même pas de qui tu parles, là, t'expliques rien. Ah bah vas-y, explique, toi, qui sais tout, là, t'as la science infusée. C'est toi qui as écrit les textes, en fait. Parce que... donc on l'a écouté juste avant d'enregistrer. Alors c'est pas du Ed Bruen, on ressent un petit peu les influences. Au niveau prod, c'est beaucoup plus sale. C'est caca, ouais. Beaucoup moins bah justement propre comme peut l'être du Ed Bruen qui rentre dedans et tout ça. Et Tommy Victor, donc c'est ce qu'essayait de dire mon cher ami Bob, c'est que Tommy essaye de faire un peu du jasta et essaye de chanter comme lui, mais malheureusement bah, il n'y arrive pas, quoi. Donc on sent que la démarche c'est sincère, on sent qu'il donne tout ce qu'il a. Totalement. Mais ça, voilà. En fait, c'est marrant parce que ça pourrait être n'importe qui, mais on sent juste un mec qui a l'air un peu en galère, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est pas pourri, mais ça, on sent qu'il est en galère, c'est tout. Voilà. C'est ça. T'as l'impression que c'est le mec qui lui court un peu après. Mmh. L'autre, ouais. Il a 15 pieds de distance. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens? J'arrive. Ah, c'est ça. C'est ça. Voilà. Mais sinon, c'était pas dégueu comme morceau ni rien. Non. Voilà, merci pour cette news, Bob. Eh bien, à la prochaine. Adieu. In This Moment, le groupe dont le dernier album, Ritual, est sorti le 20 juillet dernier et que j'ai eu le plaisir à chroniquer ici même dans ce sublime podcast, a publié une vidéo officielle pour la chanson Black Wedding, chanson où il y a le featuring d'un certain Rob Halford, chanteur du groupe Judas Priest. La prière. Voilà, Judas, la prière de Judas. C'est ça. Voilà, donc bah, si vous connaissez déjà le groupe, vous connaissez déjà sûrement le morceau. Sinon, bah, le clip, elle est habillée en mariée, puis il y a Rob, il vient chanter, mais bon, on sait tous que Rob, il n'est pas trop intéressé par les filles, donc... Wouhou! Mais non, je déconne, on s'en fout. T'en dévoiles des choses. Ouais, je balance comme ça. Voilà, donc c'est pour les gens qui aiment bien In This Moment. C'est ça. À vous-même. Je connais pas, moi, In This Moment. C'est bien? C'est quoi? C'est que... On en a déjà parlé. De quoi ça parle? C'est le groupe avec une blonde qui a un petit peu des... qui fait beaucoup de pectoral. Ah, d'accord. Ouais, mais ça fait longtemps qu'on en a parlé. Ouais. Mais c'est, bah, c'est du... on va dire c'est mainstream. Oui, c'est ça. Ouais. C'est triste. Bah, un peu, là. C'est le mainstream triste, un peu, là. Enfin, ouais, voilà, c'est efficace, mais ouais, c'est pas pour moi. C'est pour toi, du coup, encore. Okidoki. Alors... Bullet for My Valentine, le groupe dont le nouvel album, toujours prévu pour le 29 juin, est intitulé... Gravity, toujours plus, a sorti, avec un T, une nouvelle chanson audio, Piece of Me, censée nous convaincre, je suppose, de la qualité de ce nouvel album. Ouais. Donc je ne suis pas y été l'écouter. Voilà. Parce que bah, tu sais bien ce que j'en pense. Moi j'y ai été. Et ben, j'aurais y ai pas dû. Alors en fait, le morceau reprend un peu les bases. En fait, ça fait deux morceaux de l'album et j'ai l'impression vraiment qu'ils ont mis une couche de... J'ai l'impression qu'ils ont mis une couette. Ouais, une couette sur les enceintes et que tout est plus moelleux. Tout est plus gentil. Il n'y a pas le côté... moi, ce que j'aimais bien dans les premiers albums de Bullet, c'était le côté un peu rentre-dedans quand même, malgré que ce ne soit pas le plus violent du métal, mais c'était un peu plus que là. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis une petite couette pour adoucir tout, quoi. D'accord. Et il y a un petit peu d'effet électro rajouté, et c'est pas autant. Je préfère quand même ce morceau au premier que j'avais entendu, mais c'est pas encore ça, quoi. Je suis vraiment pas emballé pour la suite des choses, et je n'aime plus trop Bullet for My Valentine depuis. T'es déçu? Ouais, mais ça fait deux albums qui m'ont déçu, donc ouais. C'est pas très grave. Ouais, voilà. Je comprends. Je pense qu'il y aurait... En fait, ça me fait le même effet qu'avec le dernier album d'In Flame, à savoir que tu vois bien, tu reconnais le groupe, tu reconnais leur manière de faire des titres, mais tu sens que c'est la prod qui est pas bonne, en fait, qui nuit. D'accord. Voilà, c'est un peu, c'est comme ça que j'ai ressenti. Donc, ils ont fait une prod à base de couettes. Ok, très cool. Dernière news, Ghost, une nouvelle vidéo, je ne sais pas trop comment appeler ça, des vidéos de présentation de la story de Ghost. Un petit teaser. Ouais, où il y avait d'abord la présentation du nouveau... Journal de bord. Du nouveau personnage qui n'est plus un pape, mais un cardinal, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le single Rats. C'est plus haut ou c'est... Bah non, c'est plus bas du coup. Il a été rétrogradé en fait. Non, c'est pas lui, c'est un autre. Ah, c'est un autre. Et du coup, dans la vidéo, on aperçoit les trois papas, alors papa émeritus 1, 2, 3, qui sont morts et qui vont être embaumés et qu'on pourra venir voir lors des concerts parce qu'ils vont maintenant être exposés à partir du moment où nous prendrons un ticket avec le VIP. C'est ce qu'on comprend à deux mots dans la vidéo. Vidéo qui est encore une fois très marrante, elles ont un petit côté décalé assez amusante. Ouais. Et on peut aussi entendre un nouveau titre, vraisemblablement. Et cet album a l'air de s'annoncer. Voire deux, mais l'album a quand même, donc si c'est ça, l'album a l'air d'être vraiment parti pour quelque chose de plus calme. Mm. Et du rock gentil, un petit peu à l'ancienne, un petit peu comme un peu à ce qu'avait été commencé sur le dernier album d'ailleurs. Bah, disons que j'espère que Rats n'est pas le meilleur titre. Du coup, ça aurait été con de balancer. Bah, ça arrive des fois, hein, quand ils savent pas que c'est le meilleur titre. Ouais. Est-ce que tu crois qu'ils savent pas? Bah, pour eux, des fois... Ils sont pas au courant. Non, mais des fois, ils se disent, ah, celui-là, il est bien. Rappelle-toi, la semaine dernière, ce que je disais, A Perfect Circle voulait sortir une chanson. Rob Halford a dit, sortez plutôt celle-là. Ils l'ont écouté, ils ont sorti 1 million. Ouais. Bam! Donc, des fois, tu peux... Ah, mais qui dit que sur l'autre, ils auraient pas sorti pareil, tu vois? Bam! Ouais, oui, non, mais... Parce que c'est Rob Halford, alors du coup... Non, c'est plus, en fait... Peut-être que des fois sur une chanson, bah ça arrive souvent quand même que des groupes disent bah c'est pas notre chanson préférée, pourtant c'est celle que le public adore. Oui. Donc des fois tu peux te tromper et puis le fait d'être dedans t'as pas du tout le même recul sur ta création que là un public il reçoit avec tous ses a priori ou pas quoi. C'est pas faux. Regarde, il y a qu'à voir le dernier album de Machine Head. C'est vrai. Je veux dire en vrai si les gens ils savaient. Oui ils ont. Oui. Ils auraient peut-être pas pompé la chanson sur Strapping Une Lasse déjà. Voilà. Tu vois. Bon, alors... Ah, si seulement les gens savaient. Nous avions une mission cette semaine, à savoir écouter 3 albums, ce à quoi Bob a rajouté quelques recos. On va aller dans l'ordre, hein, parce que tout ne s'est pas passé comme prévu. Oui. Alors, l'album de Skindred, Big Thing, est sorti vendredi. Je l'ai écouté 2 fois dès le vendredi, et en fait, j'ai passé un très très bon moment. En fait j'ai retrouvé quelque chose que j'aimais bien chez Skindred et malgré quelques passages même ragga, quelques trucs d'ambiance, c'est hyper bien passé. J'ai vraiment c'est un peu leur marque de fabrique aussi quand même. Ouais oui, mais j'avais déjà expliqué qu'il y avait des passages ragga dans des groupes ou un peu à la alors, tu vois, et que j'avais moins Burning Head et que j'avais pas trop aimé parce que là, c'était vraiment trop marqué. Ouais. Trop... Là, il y a une espèce de truc de mix qui passe bien. C'est léger, en plus. Les morceaux sont assez courts, ouais. les passages les raga. Ouais. Hein. Et en plus, y a quand même aussi pas mal de morceaux. Enfin, il y a quand même 2-3 morceaux assez mainstream et total qui, je pense, pris en dehors de l'album, m'auraient pas du tout plu. Mais comme j'étais dans la continuité de l'album, c'est bien passé. Mmh. Tu vois, alors, par exemple, en single, ça m'aurait marqué. J'aurais fait... Ah. Parce que je trouvais que ça redescendait un petit peu à ces moments-là, mais j'étais dans la continuité, donc ça allait. Mais j'ai passé un très très bon moment. Je me souviens avoir écouté ça vendredi au taf, et ça m'a mis un petit peu la banane, ça m'était en jambes. Ça fait du plaisir. Et vous de même, l'avez-vous écouté? Je l'ai écouté. Qu'est-ce que je faisais moi à ce moment-là? Je ne sais plus. Si, je commençais une commande sur UMP, tu vois. Ah bah. Et du coup, ouais, non, c'est bien passé. C'est pas ma cam de base non plus, je suis pas un gros gros fan, mais l'album est bien passé. Et ouais, il y a un moment où tu sens un peu que ça se calme un peu vers la fin de l'album. Ouais. Et je crois qu'ils reprennent sur l'avant-dernier morceau, je crois qu'ils reprennent sur un petit morceau bien... qui bouge bien. Donc du coup, l'album est passé comme une lettre à la poste, on va dire, tranquille. Avec des... Voilà, non, ça passe bien, c'est... Bonne énergie. Oh ouais, non, c'est cool. On va passer maintenant à Tesseract. Alors, je ne l'ai pas écouté. Donc, est-ce que tu veux quand même dire ce que tu en as pensé ou... Non. Donc, on attend que je l'ai écouté pour en parler. Est-ce que tu vas essayer de poursuivre un peu parce que... Non. Ouais, ça fait un mini spoiler. Comme ça, les gens disent « Ah, mais il n'a pas tout écouté. Comme c'est dingue. » Non, voilà. Passons donc à Crisis avec l'album Against the Odds, déjà disponible depuis une petite quinzaine, trois semaines... Ouais, à peu près. Quinzaine, je crois. Ouais. L'as-tu écouté donc ? Ouais, deux fois. Deux fois ? Ah, ouais. Donc tu l'as bien aimé ? Non, c'est de la merde. Non, non, si, non, j'ai écouté. Ouais, non, franchement, j'adore. Ouais ? Ouais. Bah, donc, comme je te disais, moi j'avais lu une critique qui disait que c'était un bon album de Crisis, même s'il n'y avait rien de plus en fait. On était toujours au même niveau avec Crisis. Mmh. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai déjà ressenti. J'ai bien aimé l'album, même s'il ne va pas plus loin, quoi. Ça m'avait fait un peu ça avec. 36 Crazy Fist, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit, ah bah j'ai rien à dire, parce que, c'est très bien, voilà, mais il n'y a rien de plus. Et là, c'est un peu ça en fait, j'ai beaucoup aimé, mais rien de nouveau. Ouais. Voilà. Mais il est très bien. Mais il est très bien, c'est vrai, c'est vrai. Et je tiens aussi à rappeler un truc, c'est que le premier single de cet album, en fait, j'avais vu le clip, et j'avais pas du tout aimé le clip en fait. Et ça m'avait empêché d'apprécier la chanson. Et ben voilà. Et maintenant, j'aime bien la chanson quand je ne vois pas les images, en fait. C'est, voilà. C'est marrant. Hein. Comme quoi, tu vois, les choses. Et des fois, on est à... Non, mais on est... On est peu de choses. Et puis, tu te dis... Ah, alors qu'en fait, tu crois que... Et puis, tu tapisses, et puis après, tu marouches. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait... Il y a des bulles d'air que tu n'arriveras jamais à voir. C'est ça, exactement. Sauf avec une aiguille. Mais après, c'est... Ah ouais, le coup de l'aiguille. On y pense peu. Bah si, moi j'y pense à chaque fois, mais peu. Vu que je tapis jamais, bah du coup, c'est quand je regarde Valérie D'Amido, je me dis, tiens, le coup de l'aiguille. Ouais, non, ça c'est un peu... Donc Bob m'avait un peu tapé sur les doigts la semaine dernière en me disant, bah dis donc, t'écoutes pas mes recos, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai j'ai rien dit moi, parce que je suis pas spécialement mieux, hein. J'écoute pas les miennes non plus. Du coup, j'ai dû écouter deux de ces recos. Donc, bien sûr, je reporte à la semaine prochaine les autres. Bah non. Donc, j'ai écouté... Dans 15 jours. Ça va te laisser du temps. Bah, là, c'est pour ça, je suis méga safe. Donc, j'ai écouté Milan Collin, comme tu me l'avais suggéré. Et en fait, j'aime bien, mais je connaissais déjà. D'accord. Il y en a une que je connaissais déjà. Et j'aime bien. C'est du très bon punk à roulette. Qui marche, qui est vraiment très efficace, très bien. Qui est dans le très bon esprit, vraiment... J'aime bien la voix du chanteur. Ouais, non, mais je connaissais. Alors, j'en connaissais une en particulier, je ne saurais plus te dire laquelle. Ouais. Et je ne saurais plus du tout où je l'ai entendue. C'est pas un jeune groupe, hein. Ouais, non, mais. Je me demande s'ils n'étaient pas. Ils n'avaient pas signé chez Epitaph à une époque avec. Et qui faisaient partie d'une compile qui s'appelait Punkorama. Et même plusieurs fois, je crois, ils sont. Donc, ça date de 80. Est-ce qu'ils se seraient pas retrouvés sur un des teen movies des années 2000 qu'on a tous vu en boucle ? C'est fort possible. Où il y avait énormément de punk à roulette aux côtés de Blink et compagnie. C'est fort possible. En tout cas, voilà, moi, je connaissais et j'ai beaucoup apprécié. Et c'est un groupe suédois, hein, par contre. Oh, intéressant. C'est plutôt rare. Pour la petite anecdote. Ouais, et donc toi tu connais depuis longtemps et tu aimes... Bah depuis 92 ou 14 je crois, 94. Tu as quelques albums de langue? J'ai un album, c'est Le bleu? For the Monkey. Ah non, c'est pas le bleu alors. Il est bleu. Ah. Avec en plus trois singes dessus. Ouais. Eh bah je suis un génie. Eh mais t'as vu mec, je suis comme ça. Le bleu c'est la vie de toute façon. Et l'autre truc que j'ai écouté, alors c'était avant de venir... Enfin je l'ai écouté sur la route donc c'est pas hyper représentatif, c'est Devil Doll. Mais parce qu'en fait, j'ai essayé d'écouter Devil Doll. J'ai pas trouvé la chanson dont tu me parlais. The Girl Who Was Death. Je l'ai pas trouvé sur Spotify parce que je tombais sur un autre truc Devil Doll. Donc je sais pas, je pense pas que ça soit la même chose. Oui, non, faut écouter sur YouTube. Ouais, bah j'ai été le voir, c'est pour ça que je l'ai. En fait, tu m'as demandé d'écouter ça pour. C'est pas en rapport avec ce que je disais la dernière fois sur Pensée Nocturne. C'est fort possible. Ouais. Bah en fait, pas du tout. Hein. Enfin, c'est pas. Toi, non, c'était pas une comparaison. Hein. Non, bah en fait. Là, Devil Doll, ça me donne un peu le côté surjoué et pas. Je suis pas du tout dans le côté sincère de l'intention que j'avais ressenti dans Pensée Nocturne, justement. Est-ce que tu as écouté le morceau en entier ? Non, parce que je te dis, je l'ai écouté sur la route. Ah oui, donc ça a été à peu près. Non, mais j'ai avancé un peu. J'ai avancé un peu pour voir. Non, mais pour voir si on était dans le. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas assez ? Il faut l'écouter en entier ? Non. Non, parce que... oui, forcément. Oui, mais je te dis, moi, en termes d'interprétation, on n'est pas du tout sur le même niveau. termes de... Mais je te parlais pas de comparaison. Eh ben, je voulais juste avoir ton avis. Eh ben, je vais le réécouter en entier. Mais précise quand c'est que des trucs YouTube, parce que c'est moins pratique. Alors, c'est YouTube. Bah, je marque YouTube. Bon, et puis, bah, Ride the Sun, Bette Zephyr, Full Throttle Baby, pour la semaine prochaine, pas de problème. Full Throttle Baby qui passe au Hellfest. Donc, qui passe au... Au Metal Corner. Très, très bien. Je le note. C'est aussi. Du metal bagarre, enfin c'est du rock and roll bagarre, donc ça peut te plaire. Hein. Ah bah c'est qu'est-ce que j'aime moi. Bah, ouais. Donc sinon pour la semaine prochaine, nous, enfin pour Bette Zephyr c'est pareil. Il y a trois albums, donc là il y a justement l'album The Devil Went Down to Holy Land. Oui. Et en fait j'ai écouté d'autres albums et c'est complètement différent. D'accord. Tu vas voir quand tu vas écouter, tu vas. Mais toi tu avais découvert par hasard. Complètement par hasard. Ouais. Donc, avant qu'il soit annoncé au Metal Corner ? Non, je te parle de Bette Zephyr. Ça n'a rien à voir. Et Full Throttle Baby, j'ai découvert aussi par hasard. D'accord, attends, mais il y a dû y avoir une couille dans ce que je veux dire. C'est lequel qui est au Metal Corner ? Full Throttle Baby. D'accord, très bien. Voilà. Ok, eh ben, genre, j'avais mal pris mes notes. Ok, très bien. Donc, tout ça, hein, c'est dans les recos de Bobby. c'est moi. C'est important. Très bien. Puis Ride the Sun, bah Ride the Sun. Tu n'as pas écouté le deuxième album ? Non, pas encore. Il est sorti ? Oui. Non ? Bah. Peut-être que si, sur les plateformes d'écoutage. Je vais regarder, comme ça on le met en écoute pour la semaine prochaine. Non, mais de toute façon, je vais l'écouter, c'est sûr. Oui, bah oui. J'ai adoré le premier, donc. Mais tu es tendu, hein ? Hein ? Mais oui, mais tu prends tout. Non, mais je vais l'écouter. Mais t'es pas obligé. C'est sûr. Ride the Sun, 5 titres 2010. Oh bah non, c'est pas ça. Tu l'as pas, ça ? Bah, c'est celui-là. C'est le nouveau ? Non, c'est pas le nouveau, ça, c'est le c'est premier. Bah, c'était pas ça, la pochette. Non, c'était une nénette avec un camion. Bah. Mais c'est ça. D'accord. Ça, c'est le premier album, en fait. D'accord. Il y a que 5 titres ? Ouais. Ah bah, d'accord. Bah, parfait ! Eh bah, voilà. Tu vois. Je pourrais l'écouter. Eh bah, tu vois. On est d'accord. Donc on avait, toi tu avais marqué Sleep qui a sorti un 6 titres du nom de The Science. Voilà. Tu l'as pas écouté ? Si. Ah bon d'accord. Mais c'était pour la semaine prochaine. Ah bah flûte. Bah tu. Bah je l'ai écouté quand même. Bah je l'ai écouté quand même. D'accord. Ah puis je le réécouterai. Et très bien. Et comme ça. Moi j'avais ajouté le nouvel album donc de Parkway Drive Reverence qui sortira le 4 mai. Et on a oublié le dernier album de Fu Manchu. Ah, je savais pas. Qui est excellent. Que t'as écouté ? Que j'ai écouté et que j'ai adoré. Qui est sorti quand ? Qui a dû sortir il y a une petite quinzaine aussi, je crois. Oh, bah, j'ai pas du tout. D'accord. Quinzaine, peut-être 3 semaines, 15 jours, je sais plus. Bah, écoute, je rajoute tout ça. Mais il est très bon. Enfin, mais non, il est très bon. Enfin, pour ma part, comme j'aime à le dire. D'accord. On est d'accord que pour Devil Doll, j'écoute que ce titre-là ? J'étais même pas obligé de l'écouter. Mais si, c'est juste que je voulais avoir ton avis. Je l'écouterai en entier. Mais j'ai vu quand même qu'il durait plus d'une demi-heure. Il dure 36 minutes 30, et quelques. Moi, j'ai vu 39 minutes, moi. Oui, écoute, ils ont peut-être enlevé des petits morceaux parce qu'il y avait des blancs. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à me retrouver devant YouTube pendant 39 minutes parce que mon téléphone, il se coupe sinon. Oh. Ouais, bah, on a les problèmes qu'on mérite. Ah, tu chipotes dans l'école. Je sais, on a les problèmes qu'on mérite. Pourquoi tu fais ça, toi ? Est-ce que tu as... Il n'y a pas d'autres albums à... Parce que là, on est un peu sur que des albums que tu as déjà écoutés. Donc, toi, tu n'as rien à écouter pour la semaine prochaine. Ben non, tiens, c'est vrai, ça. Bon, écoute, j'irai voir. Et puis, moi, je pense que tu pourrais écouter Tesseract en entier, quand même. Hein. Non. C'est impossible. J'ai écouté 2 titres. Et non, c'est pas possible. Bah, c'est bien. À moins que derrière, il y ait la surprise... Oh, d'accord. Je sais pas. Mais tu me pousses à faire des choses. Mais il faut essayer. Ah là là là là. Bon, est-ce que nous passerions-nous pas à chaque fois, hein. C'est fou. Hein. Ouais, mais j'y arrive pas. Bon. Passe au. C'est parce que normalement tu fais un jingle. C'est ah pas... ouais, on... ouais. Ah vas-y. Bah non. Vas-y, tu balances. Ah oui. Maintenant la rubrique des chroniques. Ça fait beaucoup ça. Ouais, ça fait. Non. Attends, je vois. Et maintenant, c'est au tour des chroniques des groupes. Chronique. Là, c'était pas ouf. Hein. Non. Chronique. Tu vas le faire jusqu'à ce que ça soit ouf. Non, dis-moi ce que t'en penses. Bah, parce que c'est... Là, c'est bien ou pas ? Bah, c'était... En fait, le problème, c'est que t'y crois pas toi-même. Ouais, d'accord. T'es pas dans ton personnage. Attends. Alors, attends. T'es prêt ? Acteur. Donc, c'était les groupes qu'on a écoutés cette semaine. Et maintenant, on passe aux chroniques. Chronique. Voilà, très bien. Alors, je ne sais pas trop comment enchaîner derrière tout ça. Qui commence ? On s'en fout. Je sais pas. Tiens, allez, je commence. Allez, commence. Donc, mon premier groupe, Batouchka. Ouh, Batouchka. Batouchka. Qui passe quand ? Le dimanche, au temple. Ouais. À la temple, de 18h25 à 15h10, face à... 15h. Je pense qu'on 15h19. 15h19, pardon. Non, mais ça marche pas non plus. Si, si, non, mais 18. Bah, si, bah, autant que je me rattrape et que je pourrisse encore plus. D'accord. 18h25, 19h15. Bravo. Face à Backyard Babies et Megadeth. Ouh. Donc, voilà. C'est tout. À toi. C'est tout ce qu'il a marqué. Mais non. Alors, Batouchka, pardon, sur Backyard Babies, est un groupe de black metal polonais fondé en 2015 sous les pseudos. Alors là, j'ai pas réussi à lire parce que c'est écrit, je pense, en russe, je ne sais pas trop. Pas en polonais, peut-être. Ou en polonais. Enfin, c'est une langue. C'est, voilà, c'est étrange. Ah ouais. K-P-N à l'envers, C-T-O, une espèce de je ne sais pas trop quoi, O-P. Voilà. Donc si on peut éventuellement me dire à quoi ça correspond, si c'est gentil. Un fan polonais ou russe. Voilà, un polonais ou voilà, quelqu'un de polyglotte. De polyglotte, bah, plus que nous du coup. Du coup, bah, parce que ça là, va pas être très difficile en nous, même temps. On est plus polyglotte vers le centre de la France. Hein. Ah ouais, ouais. Voir le nord. Donc, si j'ai marqué écrit en russe, donc je ne peux pas lire. Enfin, écrit en russe, je ne sais même pas. C'est... Oui, c'est peut-être du polonais, je... enfin, certainement. Donc, sous le pseudo de ces jeunes gens qui jouent de la musique black metal, se cachent a priori des membres de la scène metal bien connue. Mais leurs identités restent encore secrètes. Parce qu'ils jouent avec des capuchons. Ah ouais. Ça arrive. Oui, c'est ça. Je peux pas... Leur premier album, Liturgia, sort en 2015 chez Witching Hour Productions et fait beaucoup parler de lui pour son approche très mystique du genre, rappelant des groupes comme MGLA ou Cult of Fire. Non ! Si. Ah ouais ? Ouais. D'accord. D'accord. Et donc ? Ben voilà. Alors, j'ai écouté, forcément, hein, parce que c'est un petit peu mon taf. Bah oui, un peu quand même. On est sur une base de... comment dire hein. Avec des mots. Tente avec des mots. Moi, je préférais éventuellement avec des gestes. Un dessin ? Un dessin. Ouais, un dessin, tiens. Ah. Voilà. Alors, faut imaginer. Non, bah, dis avec des mots. Alors. Avec des mots. Apparemment, c'est pas gagné. Bah c'est voilà, c'est mystique, c'est black metal. C'est du black metal mystique. Voilà. J'arrive pas à me faire une opinion claire. Je me permets juste une chose. Permets ton doigt. C'est un groupe dont toi. C'est un groupe dont Julien attend beaucoup notre retour. Donc parce que lui il a écouté, il m'a dit il y a des trucs pas mal tout ça, donc s'il te plaît pour lui. Pour Julien. 10 ans plus. Bah, tu m'excuseras, hein, Julien. Mais là, ça va être compliqué, quand même. Tu as écouté beaucoup de choses ? Bah, trop, en fait. Ah, t'as déjà été... J'ai été au-delà de mes limites, je pense. D'accord. Voilà. Et ce ne fut pas évident. J'ai transpiré beaucoup. Oui. Voilà. Je me suis senti assez mal. J'ai fait 2-3 malaises. Mais j'ai écouté quand même. Ça faisait que 30 secondes. Et ça faisait que 30 secondes. Donc du coup, tu m'en voudras pas, Julien, mais à la rigueur, le retour, fais-le sur papier, puis tu nous le donnes, et puis... Ouais, et puis voilà, on en parlera. On en parlera. Parce que là, ouais. D'accord. Bah écoute, si ça peut t'aider, moi j'ai écouté vite fait aussi. Alors, j'ai trouvé que pour du black metal, ils allaient vers un petit peu autre chose. Du mysticisme, mais c'est tout, j'ai pas été plus loin, ils allaient voilà vers autre chose, voilà. Donc, j'ai pas, mais c'était pas mes groupes, donc oh putain, ouais, je me dédouane. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas t'entendre. Non, mais c'est vrai, mais écoute, c'est... par contre je suis tout à fait prêt à le mettre dans ma liste de groupes à écouter, parce que eh bien écoute, voilà, voilà, très bien, point final. Ok, bon, donc est-ce que tu recommandes Certainement. Hein. Tu devais. Bon, je mets plus, plus, plus. Totalement. Plus, plus, plus. Très bien. Autre chose à dire sur le groupe ? Non. Non, non, c'est. Non. Non. Non. Bon, je sais pas, genre. T'as même pas, genre, tenté le truc. Bah, non, non, non, si, en plus, tu l'avais fait. Non, donc aucun lien avec Douchka, alors. Ah oui, la fameuse blague. 1, 2, 3. Non, non, non, aucun lien avec Douchka. Bizarrement. Étonnant. Ouais, je sais. Ouais, ouais. Bon, très bien. Bon, bah, à moi, alors. Bah oui, du coup. Très bien. Alors, Rise of the North Star. Mais vas-y, hein, fais-toi plaisir. Non, je, non, j'ai. Bon, bah écoute, il nous reste quoi après derrière on... Attends, j'ai très très peu écouté, donc j'ai vraiment même pas assez de quoi faire un retour. Vraiment. C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé, mais non. Donc. Non, c'est toi qui vas queener, mais derrière. Non, mais c'est bon, je vais. Oh. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Hey, à la fin de l'émission, je pense qu'on aura le choix d'écouter ce qu'on veut. Ouais, ouais, ouais. Bob. Il y a un pied de tente de trop dans cette chaufferie. Et je pense qu'il va falloir régler ça avec un duel. Ou alors, nous serons obligés d'en référer au shérif de cette ville. Tu me vois venir ou pas ? Ouais, attends. Ah, Limp Bizkit. Exactement, ah, Limp Bizkit. Trop fort. Ah là là, comme tu es fort. Ouais, merci. Eh bien non, Cocorico, les shérifs. Et le groupe, premier groupe que j'ai écouté cette semaine, parfois stylisé les shérifs, avec un dollar à la place du S, oui, est un groupe de punk rock français originaire de Montpellier dans l'Hérault, dans la région Occitanie, dans le sud quoi. Et ça, on ne le dit pas assez souvent. En 1984, trois jeunes musiciens issus du groupe Vaughn, tout à fait, qui vient tout juste de cesser d'exister. Je suppose que c'est arrivé comme ça. Subitement. Voilà. Pouf. Donc, Manu à la batterie et compositeur, Olivier au chant et auteur et Fred à la guitare décident malgré tout de continuer l'aventure et se rebaptisent les Shérifs. Principalement actifs de 84 à 99, ils sont considérés par la presse spécialisée comme l'un des fondateurs de la scène punk rock française. Ils font donc leurs adieux en 99. Tristesse profonde et infinie. Tout à fait. En 2004, Manu, le batteur, continue à composer et joue dans le groupe The Hopla. Et shérif. À la guitare et au chant, bien sûr. Fab à la guitare est également de la partie et fait un passage dans le groupe Brassens Not Dead. Les shérifs se reforment pour un concert exceptionnel le 2 juin 2012 à l'occasion du festival des 15 ans de l'association TAF. Ou tout à fond. Normal. Normal. Printemps 2014, le groupe remonte sur scène pour quelques dates en tête d'affiche et de tête d'affiche et festival qui se termine le 16 août au Mutukultor. Bah donc 2014. Idem en 2015, 2016 et 2017. Et il semblerait également en 2018. Ils sont connus pour leurs paroles simples ainsi que des chansons faciles à retenir et à chanter. Sur scène, ils étaient réputés pour jouer vite, enchaînant 35 morceaux sans véritablement s'arrêter, ce qui leur valait la réputation de groupe à pogo et qui se présente exactement de cette manière en arrivant sur scène. On est les shérifs et on fait du bruit! Un son électrique mélodique qui leur vaudront d'être comparé aux Ramones, dont ils ont fait la première partie à Pau en juin 92. Bien ouais, je. Entre 87 et 98 sortent 7 albums: Pan, 3-2-1-0, Le Grand, Le Maigre, Le Petit et Le Gros, Du Goudron et des Plumes, Soleil de Plomb, Allegro Turbo et Electrochoc, bien sûr. 3-4 lives, des compilations, des rééditions et même des albums tributes. Car depuis 2010, Les Fanatiques, un tribute band originaire de Francfort sur le Main en Allemagne, se consacre à jouer à l'identique et en concert les morceaux des Shérifs. Idem pour les Suisses Bongo Kids. Donc c'est exactement ce que j'ai lu, c'est-à-dire c'est un groupe de punk rock français avec des morceaux et des paroles très simples à retenir et très faciles à se rappeler. Il y a, par exemple, j'ai écouté quelques morceaux et depuis mon fils est totalement red dingue de ce groupe et arrête pas de chanter à coups de batte de baseball. Ou, Les deux doigts dans la prise. Non, en plus il joue avec le feu. Ah ouais. Mais il aime pas trop se brûler. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais il adore ça, il s'éclate. Ouais. Donc, mais c'est vraiment un très très bon groupe, très sympa. C'est vraiment des groupes de fête, je trouve. Oui. Tu mets un petit shérif et tu vas faire la fête et vraiment voilà. À l'ancienne. C'est ça. Par contre, c'est vrai que t'as pas de profondeur. Ah bah non. Mais c'est pas le but, voilà. Bah donc, non. Puis bon, je crois que les mecs ils revendiquent pas trop ça. Hein, non, voilà, mais c'est vraiment donc très. C'est vrai que ça fait pas du tout groupe engagé pour le coup. On n'est pas. Non. Non, on est vraiment sur un groupe très sympa, bonne ambiance. Et effectivement, si les mecs sont capables d'enchaîner autant de morceaux encore aujourd'hui, ça peut être quand même un petit passage assez sympathique à voir. Et du coup, pourquoi bah, pas. Je vais être obligé, je pense, de prendre un chien pour l'offrir à mon fils qui va finir punk. Ben voilà. Parce que bon, bah. Ah, c'est typique français, ça, le punk à chien. Bah, c'est pour ça. Non, mais très. En fait, bonne découverte quelque part parce que j'avais un peu des a priori. Parce que bah, ça fait partie des groupes qu'on connaît plus ou moins tous de nom et que j'avais pas beaucoup écouté dans ma vie. Mmh. Et que j'avais un petit peu peur de tomber sur un vieux groupe avec un sale son et tout ça, mais même pas. Le son est plutôt propre, les compos sonnent un petit peu vieillottes, c'est vrai, mais c'est pas du tout. Ça reste encore très écoutable et puis c'est très efficace. Donc, les shérifs, c'est validé. Je recommande plus. Mais une étoile. Je mets une étoile. Voilà. À vous-même. Eh bien, donc moi, en deuxième, j'avais Origine. Origine est un groupe de death metal technique, brutal death metal américain, présent depuis 1998, originaire de Topeka, au Kansas. Excuse-moi, je crois que tu t'es endormi. Je pense que tu... C'est du death metal dont tu parles et t'en parles un peu... Ah ouais, toi ouais. Tu veux la violence ? Non, pas la bagarre. La bagarre ? Pourquoi pas ? Ah non. Bah moi tu sais, moi je suis... T'es zen, t'es zen. Ah ouais, zen. Très... Parce que je pourrais dire, Origine est un groupe de death metal. Mais non, mais voilà, mais c'est toujours tout l'un ou tout l'autre. Death metal américain, présent depuis 98. Voilà. Mais je préfère plus avoir une voix claire, tu vois, pour que les gens entendent. Mais que t'aies une voix claire, ouais, mais un petit peu d'entrain, un petit peu d'énergie, de boogie woogie. Hey. Origine est un groupe de death metal technique, brutal death metal américain, présent depuis 98, originaire de Topeka, au Kansas. C'est pas ouf. Non. C'est pas ouf. Donc, est un groupe de death metal technique, brutal, death metal américain, présent depuis 98, originaire de Topeka, au Kansas. Ah voilà. Origine se forme grâce à une série de jam sessions, en 97 impliquant le guitariste et chanteur Paul Ryan et Jeremy Turner. Ben voilà. Okay. Le groupe prend un an et demi pour se former. Le bassiste Clint Applehand et le chanteur Mark Manning les rejoignent en octobre 97. Et le batteur George Fluck en janvier 98. George Fluck. Fluck. A Fluck. Fluck. A Fluck. A Fluck. D'accord. A Fluck. Ainsi, ils décident ensemble de se nommer Origine. Le 23 mai 98, le groupe joue pour Suffocation. Cet été, Origine enregistre une démo, 4 titres autofinancés. Très bien. A Coming into Existence. En octobre, le groupe participe à la tournée Death Across America Tour, aux côtés de Nile, Cryptopsy, Oppressor et Gorguts. C'est de la violence tout ça. En février 99, George Fluck est remplacé par John Longstreet. Non. Et Doug Williams remplace Clint. Ah oh non, tu peux pas remplacer Clint. Avec Clint. Avec la nouvelle formation, Origine joue un concert avec Napalm Death le 14 avril. Il joue d'autres concerts comme en novembre au Dismember Fetal Metal Fest au Texas. Le 16 décembre, Origine signe chez Relapse Records. D'accord. Très bien. C'est du brutal death, comme son nom technique, vraiment. Ouais. J'ai bien apprécié, moi, le côté technique, parce que ça change un peu. Tu sens, bah, tu l'entends dès les premières notes, hein, que c'est assez travaillé au niveau des compos. Ouais. C'est pas mal. Après, c'est sûr que c'est du gros death bien, bien bourrin. Quoi. J'ai du mal à tenir sur la longueur, mais au début, ça passe. Ouais. Voilà. Genre, tu vas, une fois que t'as bien digéré... Bah, il passe où, d'ailleurs, on n'a pas dit, t'as pas bah, dit c'est vrai, ça. T'as pas dit ah bah attends, non, attends, je me dis. Bah, tu dis où je dis oh, bah, attends, je me dis. Vendredi, Altar, 16h. Attends. J'ai pas dit pour les shérifs. En plus ? Attends, bah, on récapitule. Alors, toutes mes excuses, ça va, je m'excuse. Je suis que de m'excuser ce soir. Les shérifs qui passaient le dimanche sur la Warzone à 16h40 jusqu'à 17h30 face à Mangarm et Accept. Voilà, je m'excuse encore. Origine, tu disais qu'ils passent ? Ils passent le vendredi sous Alta de 16h à 16h40 face à Bongzilla et Converge. Aïe, aïe, aïe. Pas simple, du coup. Pas simple. Mais j'irai pas voir Origine. Ah bon, donc ça va. Non, non, non. Bah, je sais même pas ce que j'irai voir. Bah, oui. Bah, pas Bongzilla, hein. Non. Bah, donc, du coup, Converge. Je sais pas. À voir, à voir. Donc, voilà. D'accord. Donc, ouais, non, c'est... Origine, oui, c'est... La bonne scène, hein. Et puis, c'est... Oui, c'est... Ça va dépulper les nichons, je pense. Hein. Tu penses ? Ah, c'est large, large. Ouais. Ouais, ouais. Mais toi, ça t'a pas... Non. Non, je te dis, j'ai du mal à tenir sur la longueur avec ce genre de Parce de qu'en musique. Fait, au bout d'un moment, tu décroches ? Bah oui, je décroche parce que, bah, trop beuh, tu vois, c'est trop bourrin, quoi. Ouais. Voilà. Alors que pourtant, ils ont un petit côté... Mais pas assez. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Donc, tu recommandes ? En plus. En plus. Allez. Allez, soyons là. Allez. Je vais passer à mon deuxième groupe. Alors, mon deuxième groupe, je vais prendre Terror, qui passe le samedi sur la Warzone à 18h35 jusqu'à 19h35, une petite heure, face à Arcona et Bullet for My Valentine. Autant dire qu'il y a quand même trois scènes, trois ambiances. Hein. On peut dire ça. Hein. C'est sûr. Donc, le Terror est un groupe de punk hardcore états-unien originaire de Los Angeles en Californie et qui a comme particularité d'avoir une carte d'abonnement au Hellfest, car ça sera leur cinquième participation. Alors, c'est intéressant, c'est que la bio sur Wikipédia, oui, c'est ça, commence ainsi. Wikipédia. Leur deuxième album, One Wins the Underdog, se vend à plus de 40 000 exemplaires. La bio, elle commence comme ça. D'accord. D'accord. Donc, ce qui s'est passé avant le deuxième album ? On ne sait pas. On ne sait pas. Ils ont aussi fait le tour de l'Europe, incluant la Russie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée, au Mexique et en Amérique du Sud. Alors, pas la Corée au Mexique, hein, mais ils ont été au Mexique. Le groupe existe depuis 2002, même si le chanteur Scott Vogel était déjà assez populaire dans la scène hardcore depuis le milieu des années 90. Et il est largement connu pour son effort de garder le son punk hardcore et metalcore pur et drôle. Voilà, lui, il est C'est un drôle. C'est un vrai, quoi. D'accord. Dès 2002, une démo voit le jour, puis la même année, un premier album, puis des lives, des EP, des splits. 2004, deuxième album, donc, qui s'est vendu à 40 000 exemplaires. Ils ont aussi fait, je l'ai déjà dit, je crois, 2005... Hein ? Ah oui, d'accord. Ok, wouh, 2005, troisième album, 2006, 2008, 2010, 2013, 2015 et 2015. Je vais les pisser, tiens. Non, mais c'est pas tout seul dans cette galère. Bah si. Alors, et 2017, ce qui porte le tout à 9 albums, même si je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, ils ont tellement fait de live, de P, de split, que c'est un petit peu dur de s'y retrouver dans toutes ces sorties. Spotify ne m'a pas du tout aidé. Non, vraiment, et la liste sur Wikipédia ne m'a pas non plus du tout aidé. Alors du coup, là, Bob est parti, donc ça ne m'arrange pas parce que j'avais un petit problème avec ce groupe. Donc je vais... Bah, en fait, le truc, c'est qu'on disait la dernière fois qu'ils étaient partis en tournée avec Headbread et Madball. Mais quand tu écoutes justement Headbread et Madball, tu as un gros son, une énergie et de la bagarre. Et en fait, Terror, j'ai trouvé ça... j'ai pas tout à fait retrouvé les mêmes choses que ça. Donc, j'ai retrouvé le côté punk hardcore, mais selon l'album que j'ai écouté, j'ai pas été emporté comme je l'étais. Il y a plein de moments où, dans leur discographie, et malheureusement, j'ai pas trop noté lesquels étaient ces albums-là, mais il y a eu des moments où je trouvais que c'était vraiment en dessous, quoi. Vraiment beaucoup moins énergique, beaucoup moins bagarre, je dirais. En plus, le deuxième album, One With The Underdogs, je me suis rendu compte qu'il n'était même pas sur Spotify, donc je n'ai pas pu l'écouter. Mais je suis sûr que c'est celui le mieux. Donc je suis assez... Je suis assez partagé sur Terror, parce que ça... Je m'attendais vraiment à être... à bien aimer directement. Comme Ed Breed. Ouais, comme Ed Breed ou même vraiment Ed ou Breed. Madball, ou... dans le même esprit, je trouve Ed Breed et Madball en étant quand même différents, je retrouve le même esprit, un peu la même énergie. Là, sur Terror, il y a certains morceaux où je retrouve un peu ça, et il y a d'autres où c'est complètement en dessous, quoi. Ouais. Et comme la voix du chanteur n'est pas du tout sur la même tessiture, c'est pas du tout dans le côté grave et puissante, c'est un peu une voix punk hardcore, mais pas pareil. Ouais. Ça m'a moins... C'est plus braillard que... Ouais, un peu plus, ouais. Ouais, ça m'a j'ai été moins emballé, quoi. Ouais. Donc, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire. Je vais aller écouter le deuxième album, parce que j'aimerais quand même voir, des fois, si c'est vraiment un album ou pas. Ouais. Mais après, ils ont fait vraiment beaucoup de sorties, beaucoup de trucs. C'est compliqué de savoir quand c'est vraiment... Parce que j'essaie d'éviter d'écouter les splits. Des fois que ça serait à cause de la participation d'un autre groupe, que ça soit bien et tout, je voudrais pas faire d'amalgame, justement. Ouais. Mais c'est pas très clair, leur bio Wikipédia. Du coup, vu que j'ai même pas ce qui se passe avant le deuxième album, tout ça... Donc voilà. Ouais, ça va être compliqué, ouais, des fois, de trouver un... Ok. Voilà, donc je recommande plus, mais... Sans plus. Voilà. Donc du coup, ça ferait deux plus, mais sans plus, qui fait un plus. Un plus, du coup. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Les comptes sont bons. Et du coup, si je devais aller voir un groupe... c'est toi qui étais tombé sur Arkona, c'est ça? Je crois que oui. C'est celui qui t'avait emmené un peu partout Ouais, au ski, manger une glace. Mais non, mais où il y avait. Où t'imaginais des trucs, mais que t'aurais pas forcément envie d'aller voir. Ah, c'est fort possible. Je crois que ça me rappelle quelque chose, moi. Yes, Arkona, pagan folk, metal russe de Moscou. Parole inspirée du folklore russe, de la mythologie slave, fondée en 2002 et engagée depuis 2008 avec Napalm Records. Neuf albums. Si je devais faire une comparaison, je sais qu'il y a Madball, je sais qu'il y a Adbreed qui passe. J'irais plutôt voir ces deux-là et voir Arkona pour voir autre chose, plutôt que de voir trop de... Moi, je crois me rappeler un peu de Arkona. Non, mais pour voir, si je devais... Tu vois, si je devais... Ouais, pour balancer, contrebalancer, voilà, un petit peu le... Ouais. Parce que bon, et puis te culturer, Boulette aussi, musicalement. Boulette, pour dire, parce que je ne les ai jamais vus, mais... Mais je n'ai pas écouté Arkona, donc pas, en tout cas pas assez. En tout cas. Voilà. T'as jamais vu Boulette? Non, j'ai jamais vu Boulette. Ah ouais. Ouais, tu vois. Ouais. C'est étonnant. C'est triste. C'est triste, effectivement. À vous de même. C'est à moi ? Oui. Ah, donc, Antaoma, qui passe le samedi sous la Temple de 12h15 à 12h45, une petite demi-heure. Pas énorme. Face à Get the Shot et Savage Messiah. Bon, voilà. Pas la peine d'aller plus loin. Ok. Get the Shot. À toi. Écoute. Ah, pardon. Donc Antaoma, qui est un groupe de folk metal, trash metal français. Eh ouais, Cocorico, mec. Et merde. Présent depuis 97, originaire de Tarbes et Lourdes. Ah oui. Pyrénées. Antaoma est formé en 97 par les membres de Steel Volk. Antaoma est également le nom choisi par ce même pour leur premier album. Album éponyme, sorti en 97, ce nom qui signifie fantôme en gascon, un dialecte occitan. D'accord. Désigne communément des esprits de la nature ou encore des génies de la montagne autrefois craints par les habitants des Pyrénées. Voilà. Bah oui, mais ça, je veux dire, moi je le savais. Oui, tout à fait. Je veux dire, c'est vraiment. Ça coule des sources, je veux dire. Ah bah oui. En plus là-bas. Les sources, il y en a. Ah, c'est clair. Voilà. D'accord. Eh ben, merci. Écoute, moi, je suis pas chiant. Hein. C'est gentil pour cette page. Il est en train de s'étouffer. On est en train de perdre Bob. Je vais finir ce podcast tout seul. Bon, alors. Tu vas en perdre un par an. voilà. J'ai écouté Antaoma. C'est tout à fait ça. Hein. C'est du folk metal, trash metal. Enfin, trash metal, genre, pas dit trop. Enfin, non, plus dans l'esprit Black Death que trash. Mais après, voilà, c'est source wiki. Hein. Ah bah. Ouais. Pas toujours sûr. Sûr. Ouais. Parce que t'as dit, c'est source sûre. Oui. Donc moi, je dis ça, c'est sûr. Ouais, excellent. Ah, oh, c'est super. Je vais la marquer. Ouais, vas-y, note. Je vais la garder parce qu'on sait jamais. Elle peut se revenir. Enfin, tu vois, elle peut ressortir. Bah, des fois, quand on a besoin de meubler, ça c'est sûr. On sort une petite blague comme ça de derrière les fagots. Qui n'aura aucun sens. Qui n'aura strictement aucun sens. Personne... Dites toute seule comme ça, que personne ne comprendrait, que même nous ne comprendrions pas. Ah, ça c'est sûr. Ah, il enchaîne. Ah, il est doué. Ou pas. Alors, donc, Antaoba, c'est assez mystique hein, dans l'esprit. C'est sympathique, ma foi. C'est pareil, j'ai pas été jusqu'au bout. Si je me trompe, il doit y avoir deux ou trois albums hein, de qu'est-ce que j'en ai vu. C'est spécial. Ouais, voilà. on sent que ça t'a plu. Ah ouais, ça m'a plu énormément. Des fois, on ne tombe pas non plus. Hein. Bah, on ne peut pas tout aimer. Non, hein. Ça c'est vrai. Les coups et les douleurs. C'est voilà. Ça, là, d'accord. Ouais. Je n'étais pas sûr que c'était ça, la phrase. De bah, je croyais que c'était pas... Bah, je pense, je me suis dit, tiens, ça va peut-être te plaire. Les coups et les douleurs. Oui, j'aime bien. Ouais. Bah, les coups et les douleurs, à bagarre. Hein. Bah voilà, c'est ça. On est en train de... Hein on est en train de foutre en l'air ce podcast. C'est complètement. Moi j'arrête, je me casse. Tout, ouais, ouais. Tout me saoule. D'accord. Bah écoute. Bah, je vous conseille d'aller vous faire votre propre opinion. C'est ça, donc. Antaoba. D'accord. Avec un H au début. Et un A à la fin. Eh bah écoute, moi j'irai écouter. Parce que c'est un groupe français. Et que bah, ce que tu m'as dit, ça m'a convaincu, quoi. Bah, hey, tu m'étonnes. Bah, t'as vu comment je vends le truc, mec? Ah, mais en fait, t'as cette petite force qui est capable de d'intriguer et en même temps de pas... pourrir le truc. Non, mais tu laisses supposer que... Voilà. Et moi, c'est cette petite partie de mystère que tu n'oses dévoiler qui me donne envie. Je suis comme ça, moi. Ça. Ah, je donne pas tout de suite. Non, je suis sur la réserve. je feinte. Certains pourraient prendre ça pour de la timidité, alors qu'en fait, non, c'est juste du calcul. Mais carrément. T'es un psychopathe ? Sociopathe. Un sociopathe. Ouais. Voilà, donc. Doublé d'un parrain. Ouais. Antaoba. Plus. Plus, d'accord. Et donc, face à ça, t'irais voir quoi alors ? Parce qu'il y a Get the Shot et Savage Messia. Alors, je ne connais pas Savage Messia. Je ne connais pas Get the Shot. Alors, laisse-moi te rappeler que Savage Messia, tu l'as chroniqué. Hein. Alors, attends, je vais vérifier. Mais dans mon souvenir, tu as chroniqué... Moi, j'ai juste à regarder. Hein. Non. Non, je pense que ce sera plus Get the Shot. Non, pour ma part. J'aime à le dire. Tu te souviens pas de Savage Messia? Si, c'est ça. Bah si, bien sûr, je m'en rappelle. Bah. Oh, tu me prends pour qui? Je me permettrai pas. Je me permettrai pas de... Alors, attends, parce que j'ai un document qui prouve... Signé, tamponné. Alors, Savage Messia, Bob, saison 2, épisode 12. Ah bah Crash, tu vois, metal, et on est quel épisode? Le 24. Ouais, et bah c'est pas la moitié de... Hein, dis donc. Donc laisse-moi avec mes problèmes de mémoire. Voilà, s'il te plaît. D'accord, donc plutôt Get the Shot. Oui, bah j'irai réécouter Savage Messia. Pour m'en mémorer. Mais je suis sûr que la première note va dire, ah oui, c'est ça, tu vois. Direct, bam. Mais attends, on chronique tellement de groupes aussi. Enfin, pour ma part... C'est je sais pas comment je pourrais appeler ça. un partage d'un commun accord avec toi-même. même pas. Enfin, même pas là. Pourquoi un quart de moi-même. T'as écouté quoi là? De Antaoba? Ouais. Eh ben. Bah si, non, mais j'écoute quand même. Fais l'effort, pas comme l'année dernière. Ouais. Même comme le début de saison. Oui, même comme le début de saison. Disons que. Où j'ai écouté deux, trois titres. Je tiens à préciser qu'il y a quand même des jours fériés, donc un long week-end, et ça n'aide pas. D'ailleurs, t'étais en pont lundi ou pas? Non, mais je suis en vacances 15 jours, moi. Putain. Alors, par contre, je reconnais que c'est plus difficile, du coup. Ah bah ouais, non, mais complètement. Donc, je te retire cette épine du pied, et t'excuse auprès de tout le monde. Oh, et que si quelqu'un a un problème... Au-delà. Non, mais et que si quelqu'un a un problème avec ça, qu'il vienne m'en parler à moi. et je l'enverrai vers toi. Pour... voilà, c'est ça. Parce que je t'excuse, mais bon. Après, tu te démerdes avec tes problèmes. Mec. Exactement. Hein? Bon. Ta dyslexie et ta sociopathie. Voilà. Donc, je vais passer à mon troisième groupe, Amènera. Amènera pas. Qui est, grâce à notre publication... Je pensais que tu lançais un... Tant pis. Non, non, c'est Amènera, le nom du groupe. Oui, non, non, mais après... qui passe le dimanche sous la vallée, de minuit à une heure. <Ouais. rire> Bah, pourquoi pas. Passe dimanche sous la vallée. Passe à Exodus et Nightwish. Oh purée, j'ai vu un truc dans le record et je voulais le noter. Je crois que c'est Nightwish qui a dit ça. Et c'était tellement con que... T'as pas vu, il dit... je crois qu'il y a un temps où on peut parler de jeunes filles qui vont ramasser des pâquerettes ou un truc comme ça. Oh putain. Ah ouais, ouais, ouais. Non, j'ai pas vu ça. Et moi, j'avais envie de lui dire, c'est un non catégorique. Il y a rien dans la vie qui te force. Bref, tu m'étonnes. Amènera, prononcé Amènera, est un groupe de doom metal belge originaire de Courtrai en région flamande. Il est formé en 99 par le chanteur Colin H. Van Ekout et le guitariste Mathieu Van Dekokov. Après avoir arrêté le groupe de hardcore Spineless et plus tard rejoint par le batteur Bjorn Lebon, le guitariste Lennart Bossu et le bassiste Lévi Sénard. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. C'est clair. Bon, bref, c'est formé en 99 par le chanteur et le guitariste après avoir arrêté le groupe de hardcore Spineless. Le groupe compte notamment une série de 6 albums studio intitulés Mass. Les 6 albums s'appellent Mass. En 2003, sortie de Mass 1. 2005, sortie de Mass 2. Sortie de Mass 3 en 2005, la même année. Normal. À la suite de cet album est sortie Church of Ra, donc l'église de Ra, qui s'est développée autour des musiciens et d'artistes proches du groupe, dont les œuvres font l'objet de présentations en France et en Belgique, et elle s'est aussi présente dans le livret des albums du groupe. Donc c'est une espèce d'univers étendu. Quelque sorte. D'accord. Donc en fait, c'est tout ce qui doit être proche du groupe, peut-être, je sais pas, des dessins, des peintures, ou d'autres groupes, et ils s'autonoment, bah, ou ils se rapprochent sous l'église de Ra. Voilà. On a tout compris, mais ouais. Bah, tu vois l'idée. Ouais, bah, je pense, ça. Ouais. En 2006, Amènera fait une seconde tournée américaine avec Converge et Neurosis. Donc, logique. Je précise ça juste pour un truc qui arrive après. 2008, Mass 4. 2012, Mass 5, pour changer un peu. En 2013, le groupe signe au label Neurot Records pour la sortie de son 5e album. Le label est fondé par Neurosis. Ah bah voilà. Un groupe ayant influencé le style musical et la carrière d'Amènera. En 2016, le groupe sort son premier live intitulé, je te le donne en mille. Mass 7. Alive. Et en 2017, sortie de Mass 6. Ah, je l'ai déjà faite, ça, là. C'est vrai que c'est rigolo. Je passe sur les splits et autres EP parce qu'ils n'ont même pas trouvé utile de les appeler Mass EP ou un truc dans le genre. Donc, ouais, EP Mass. Le style musical d'Amènera est proche de sous-genres de musique extrême et atmosphérique comme le post-metal, le sludge-metal, le post-hardcore, doom-metal et hardcore. Rien que ça. Ouais, alors par contre, moi, j'ai pas du tout entendu ça, hein. Donc, ouais. Ils reprennent aussi des éléments vaguement proches du black metal, folk gothique et post-rock. Bah, moi j'aurais plutôt aidé. Enfin. Et encore, pas forcément. Non, non bah si, mais en fait, pas de hardcore. Voilà. Plutôt du doom metal, mais pas de hardcore. Moi j'ai pas trouvé de. Mais j'ai une écoute un peu parcimonie. Parcimonie. Le thème récurrent des textes du groupe est la dualité entre la naissance et la mort, la lumière et les ténèbres, la douleur et le sacrifice. Voilà. Ouais, et durant ces concerts, le groupe utilise de nombreux motifs symboliques et religieux. Et j'ai eu un petit problème avec ce groupe. Tu vois, d'habitude, il y a eu des groupes. Alors là, c'est pas tout à fait le cas, mais il y a eu des groupes de black metal où j'ai réussi à être inspiré de différents trucs et j'avais quelque chose à raconter. Et en fait, Amènera, alors je sais pas, comme j'ai expliqué au tout début de cet épisode, j'étais un petit peu en mode ouais, toute la semaine, donc j'avais un peu envie de rien, j'étais un petit peu pas dedans. Et Amènera, c'est l'exemple parfait où tous les jours j'ai un peu essayé d'écouter et j'arrivais pas du tout à me mettre dedans. Mais pas du tout. J'ai laissé le groupe tourner plusieurs fois pour essayer d'en tirer quelque chose. Et en fait, je suis resté totalement dehors du groupe. Et ça m'embête parce que, comme je me sentais déjà un peu bof, bah, j'ai pas envie forcément de dire que c'est à cause de la musique du groupe, tu vois. Ça, ça serait un peu réducteur de dire ça. Mais j'ai pas du tout accroché. Après, tu pourrais dire ça uniquement si t'écoutes plus tard et que vraiment voilà. Ça te remet dans cet état-là. Mais en fait, c'est autant justement. En fait, ça me faisait penser justement aux autres groupes que j'ai écoutés qui auraient eu tendance à pas me plaire, dans le sens où j'ai vécu quelque chose à ce moment-là. Et là, j'avais vraiment plus l'impression de rester en dehors. T'es, pas pour le côté. C'est pas comme certains groupes justement de trop black. Ça t'a pas. Voilà. Non, mais ça m'a vraiment laissé à côté. Ouais. Tu sais, ça arrivait quelques fois dans les groupes qu'on a eu cette année. Il y a eu des groupes de black metal trop black metal, ou peut-être même certains du brutal qui étaient vraiment inaudibles, quoi. Ouais. Bah là, ça, c'est pas le cas, c'est pas inaudible et tout. C'est juste que je suis complètement resté à côté. Mais malgré tous mes essais, donc du coup, j'ai essayé un peu de taper dans tous les albums. Et à chaque fois que je laissais tourner un truc, il n'y avait rien qui me raccrochait, rien. Je voyais le truc, j'entendais la mise en place, le truc, mais voilà, ça m'a pas du tout. J'aurais voulu écouter les albums dans l'ordre, la masse 1, masse 2, masse 3, masse 4, masse 5, mais il n'y avait pas en fait sur Spotify. T'as pas tous les masses, ouais. Donc t'as masse. T'as quand même tenté de faire un truc. J'ai essayé d'aller voir à droite, bien, à gauche, ouais, j'ai essayé parce que je voulais essayer de quand même voir en fait, ouais. Surtout que quand j'ai un petit peu bossé sur la bio là. Ben, que j'ai vu que ça prenait plein de sous-genres, comme le sludge, le post-hardcore, le doom metal, le hardcore et tout. J'ai dû rater ça, quoi, mais j'ai pas du tout trouvé, quoi. J'ai trouvé une espèce de doom, et à la limite plus du sludge, mais avec une ambiance qui... C'était même pas que j'aime pas, en fait, c'est que je suis resté en dehors. Et du coup, Non, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est un peu dur, parce que du coup, c'est pas... Ouais, mais peut-être que, voilà, en réécoutant, tu vas peut-être réussir à un moment à trouver un truc qui va, voilà. Ouais, peut-être, tout à fait. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel tu écoutes la musique. Et c'est ça, la musique, justement, c'est ce que je t'expliquais, c'est que la musique, normalement, ça procure des émotions. Mais je sais bien. Voilà. Oui, sauf que, comme je t'ai déjà dit aussi, des fois, tu peux apprendre à avoir des outils pour ouvrir la porte à coups de pied de biche, et après... Tout de suite, la violence. Bah, la crocheter la porte aussi, et ben voilà, et ben tu peux, mais non, mais c'est justement comme d'habitude, il y a plein de trucs que j'étais pas censé aimer et que j'ai réussi à être transporté par des trucs. Là, je suis resté en dehors, donc ça m'a fait bizarre aussi. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être totalement lié à moi plus que lié au groupe, ouais. Donc c'est en ça que je veux pas. Il y a des groupes genre j'ai complètement zappé, mais des trucs où je me souviens avoir dit non, ça non, tu vois. Par exemple, je prenais l'exemple. Je t'avais envoyé un message où je t'ai dit l'album de Skindred, c'est oui, et j'ai écouté l'album de Godsmack, dont je n'ai même pas parlé en début, et j'ai dit c'est non, voilà, l'album n'est pas bon, l'album n'est pas bon, il n'est pas bon, et voilà. Mais tu vois, et là je suis plus dans l'incapacité de dire soit j'ai pas assez assez écouté le groupe, soit tu sais, il y a des groupes, je pense aussi, tu peux pas juste écouter des morceaux. Il faut vraiment écouter un album en entier dans l'ordre, ou il faut avoir une préparation. Tu vois, prenons un exemple en parallèle, c'est comme si les gens qui arriveraient sur notre podcast avec cet épisode-là. Ouais. Tu vois la galère ? Ah, déjà, ceux qui arrivent depuis le début. Ah, bah déjà, bon. Déjà. Eux, bravo. Eux, ils méritent de nous payer une bière. Et pas l'inverse. Largement. Largement. Parce que bon, hein, ça fait pas mal d'heures qu'on a occupé vos vies, les gars. C'est vrai. Donc, les gars ou les filles, mais on parle voilà, pour une généralité. Oui, voilà. Mais donc, bon, on prend tout, hein, bière, alcool. Ouais. Oui. Oui. C'est ça. Bon, bah voilà, en tout cas, j'ai pas grand-chose à dire. Et ça passe face à Exodus et Nightwish, donc ça sera plus Exodus. Ah. Parce que bon, faut... Voilà, faut pas déconner. Non, puis Exodus, j'avais écouté des trucs bien, moi, je me souviens. Ouais, pas voilà. Tout, mais j'avais écouté des trucs bien. Donc je mettrais rien. Bah ouais, là je peux rien mettre en fait. Je suis désolé parce que c'est la Belgique, c'est quasiment des potes à nous, c'est à côté, quoi. Bah c'est ça. Mais voilà. Donc je ferai un essai plus tard, je réessayerai. Mais je suis pas. J'ai pas les mots. T'as pas le truc. J'ai pas le truc. Désolé. T'en reparleras en même temps. Je réessaierai. Voilà. À vous-même, mon très cher Bob. Eh bien, pour mon dernier... Je crois qu'on a fini l'émission. Hein. c'est bon. Voilà. On peut y aller. Allez, bonne soirée. On vous aime, on vous emmerde. À plus, salut. Si tu veux. Non, vas-y, fais ton truc. Connard. Oh, putain, j'ai réussi. Je sais pas si je veux le faire. Mais... Bon, alors, mon dernier groupe, c'est... Bon, alors, ton dernier groupe. Non, fais-le, toi, vas-y. Quoi. Tu veux le garder pour la fin, genre... Apothéose. Non, que dalle, parce que moi, voilà... C'est le sort, hein. C'est ça. Qui est pour rien, toi. Je l'avais mis dans mon poste, hein. Voilà, c'est comme ça. Sans rancune. Hein, j'y peux rien, moi. Un peu quand même, hein. Moi, le coup du destin... Quoi ? Mais non, mais je dis pas que c'est de ta faute. Bah si. Mais j'en veux à la vie. Bah, grosso merdo, c'est un peu ce que tu dis. Je dis qu'il n'y a pas de justice. Voilà, c'est ça. Donc, mon dernier groupe. Pourquoi tu pleures ? Parce que j'ai envie de pleurer. Parce que je suis triste. Parce que je suis malheureux. Ah, c'est Rise of the North Star. Voilà. Tu vois, il le prononce même mal en plus. Tu vois, c'était pas si dur. Voilà, c'est ça. En plus, c'est même pas genre le groupe de ma vie ou quoi que ce soit. C'est juste, c'était un que je voulais, sur lequel je voulais tomber. Voilà, bah ouais. Bon, tu cocorik ou pas ? Bah, on va cocorik. Ouh ! Hey, youhou ! Qui est un groupe de crossover trash français, originaire de Paris. Tout à fait. C'est ta ville. Le groupe sort un premier EP intitulé Tokyo Assault en janvier 2010 et un second Demonstrating My Saiyan Style en juillet 2012. Pour l'instant, ça va ? J'ai pas regardé la bio. Je préfère vérifier quand même. Ah, j'ai pas regardé la bio. Le parrain. En 2014, le groupe signe sur le label Nuclear Blast. Mmh. Tiens, dis donc. Via sa propre structure Repression Records et sort son premier album studio intitulé Welcome. Il se forme en 2008 à Paris via Vitia. Le nom du groupe s'inspire du titre homonyme américain du manga Ken le Survivant. Et oui. Fist of the North Star. On est d'accord ? Fist ? Ouais. Mmh. C'est ça, hein ? Ouais. Voilà. C'est le seul groupe moi que j'ai vraiment apprécié sur mes quatre du coup. Et puis on l'avait vu hein. Ouais. Un petit peu 2015. On est arrivé vraiment par hasard. Par hasard sur la Warzone. Sur la Warzone à l'époque où elle était encore mal foutue. On a un petit peu fait. Et on a fait on s'est regardé, on a fait Yeah. Headbangage. Très très très efficace le groupe. Voilà. Tout à fait. Donc, j'aime bien, c'est sympa, ça a la patate. Mmh. Et voilà. Du coup, ils ont combien d'albums, là ? Ils en ont un, et ils en ont un deuxième, qui est en préparation, je crois, si je me trompe pas, qui va être enregistré à New York, ou je sais pas quoi, dans les studios de Gojira, et qui va être associé à Mario Duplantier. Si je me trompe pas. D'accord. Voilà, donc Mario Duplantier va... assister Rise of the North Star pour leur deuxième album. D'accord. Ah oui, c'est vrai, il y en avait qu'un. Très bien. Voilà. Donc après, c'est, je ne suis pas sûr. Hein, les sources sont toujours wiki. Hein, mais c'est ce que j'ai lu. Voilà. Très bien, très bien. Et donc, tu as écouté tout l'album ? J'ai écouté tout l'album. Est-ce qu'il pourrait apparaître dans ta bibliothèque ? Pas forcément comme ça, parce que j'ai d'autres priorités, mais... Si on me l'offrait, je dirais « Hey, cool !» Et... Genre, tu vois, une âme charitable. On n'a même pas dit quand est-ce qu'il passait. Bah si, on ne l'a pas dit. Il passe le samedi, en main stage, de 14h20 à 15h. Hey. Donc un petit set de 40 minutes face à Psycup et 1000 Mods. Ah là là là là là là. Potentiellement, trois groupes à aller voir. Ah là, ça va être compliqué à Ted, là. Ouais. Parce que moi j'étais plus basé sur Psycup, mais il y a 1000 Mods, il va falloir que je réécoute. Parce que ça c'est pareil, c'est un groupe que j'ai découvert par hasard. Ouais, je ne sais pas, honnêtement. Et puis bon, ils sont en main stage, ça va être plus compliqué. Bah c'est surtout moins agréable. Ouais. Donc c'est ça qui pue du cul. Ils auraient été en Warzone, j'aurais pas dit, tu vois. J'aurais dit, peut-être aller les revoir pour le. Cool, tu vois. Mais là, main stage, ça va me... Je pense que ça va me recule un peu, tu vois. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est le genre de moment où tu es obligé de fragmenter, d'aller voir plusieurs groupes, quoi. Ouais. Parce que je suis pas forcément fan de Psycup, mais je suis assez curieux. Moi, c'est ça. Je suis pas fan non plus, mais ce que j'ai écouté m'a interpellé. Après, 1000 modes, c'est bien, mais est-ce que ça reste pas plus classique dans les trucs? Est-ce que ça nécessite d'aller le voir? Je vais réécouter. Donc, c'est un peu... Je vais approfondir. Donc, du coup, il y a tellement peu de stoner cette année que... Bah ouais, c'est ça. Donc, 1000 modes, tu mets à recommande? Rise of the North Star, ouais. Combien? Plus. Plus. Ouais. Le mec est dans la générosité. Non, je suis dans la parcimonie. Très très bien. Donc, c'est tout ce que tu avais à dire sur le groupe? Oui. Ah oui, j'avais pas vu la portée dégueulasse de ce que tu viens de dire, mais c'est vrai. Excuse-moi, je... Ouais. Très bien. C'était vraiment, tu vois, à l'insu de mon plein grave. Donc, mon plein grave. Mon dernier groupe, c'est Modern Life is a World, qui passe samedi sur la Warzone à 16h45 jusqu'à 17h35 face à Eilung et Jonathan Davis. Pas ça. Eilung, ah oui, d'accord. Oui, je l'ai. Un groupe que j'ai chroniqué. Voilà, et que j'ai pas trop écouté. Donc, effectivement, hein, là, on peut le dire que c'est pas la vie moderne est une guerre. Effectivement, le. Oui. Je pense qu'on était tous d'accord là-dessus. Ouais, je pense. Ouais. Enfin, on a planché un peu. Hein. Ouais, on s'est tous dit. On était 12 ou 13 hein, à se dire ouais. Autour de la table. Oui. C'est vrai. Oui. Et pourtant, ça a pris vachement de temps juste pour arriver à ça en plus. Parce qu'au début, on était parti sur. Bah, on a commencé par un café. Ouais, après, il y a eu la recette de crêpes. Ouais. On n'était pas tous d'accord. Bah, après, c'est le. Voilà. Il y en a qui sont un peu pour genre soit remettre un peu de bière ou mettre moins de lait. J'étais plus rhum, moi, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je gueulais un peu. Bah oui, mais parce que toi, t'es quand même un peu plus proche de la recette des galettes, quand même. Ah, moi, je suis plus crêpe rhum, moi, tu vois. Bah, écoute, faut que t'arrêtes un peu, quoi, je veux dire, c'est pas... Ah, bah, si on met du rhum dans pâte à crêpes, bah, ouais, c'est comme ça, mais j'y peux... Enfin, on va pas revenir là-dessus. Non, c'est pas là pour ça. On a déjà planché là-dessus. Voilà, de manière, on était... Enfin, et donc, tout ça pour dire que Modern Life is War est un groupe de punk hardcore américain formé à Marshalltown, dans l'Iowa, en 2002. Après un EP Modern Life is War et 3 albums, My Love, My Way 2003, Witness 2005, Midnight in America 2007, le groupe se dissout début 2008 via sa page MySpace. Et avant une tournée d'un petit mois qui devait voir la dernière date du groupe dans sa propre ville natale, Marshalltown. Une ville qui plairait assurément au shérif. Parce que Marshall, avec le shérif... Enfin, il y a... D'accord. D'accord. Donc, 2008, ils se séparent. Septembre 2012, la formation originale s'est réunie et a écrit un album dans le sous-sol de John Hache, le guitariste de son état. Ouais, comme ça. Ah ouais. Allez, on fait un album. D'accord. Ouais, dans le sous-sol. Ouais. Dans le sous-sol. Le groupe annonce sa réunion en avril 2013 et l'intention d'enregistrer et de sortir un nouvel album d'ici septembre. Ce qui sera le cas. Le disque sort le 9 septembre, Fever Hunting. Depuis, bah, pas grand-chose. D'accord. Voilà. Depuis 2013 Depuis, bah, pas rien de spécial. Bon, ils doivent faire des petits concerts. Ouais, voilà, là, mais pas ça. De nouvel album ou autre. Voilà. Et ils seront donc au Hellfest cette année. Donc, est-ce qu'on peut quand même noter qu'entre le fait que ça soit une édition largement représentée quand même par les groupes français et accessoirement par les reformations les aussi, groupes, hein, aussi, on est un petit effectivement. Peu sur deux thématiques. C'est vrai. À côté de ça, Modern Life is War, de ce que j'en ai écouté, alors j'ai écouté à peu près tous les albums, mais pas dans l'ordre. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ils étaient beaucoup plus punk hardcore en colère au début et beaucoup moins, par exemple, sur le dernier, celui de la reformation, qui est beaucoup plus... j'ai l'impression qu'ils l'ont mainstreamé, en fait. Ils beaucoup plus passe-partout. Ouais. Et en fait... c'est pas bien, les gars. Et qu'ils sont... Et je pense aussi qu'ils ont un petit peu vieilli. Donc, du coup, ils sont moins en colère, en fait. Ouais, je pense que c'est ce que ça... En fait, ils ont envie de se retrouver ensemble et de faire de la musique... Mais il y a moins la patate et l'énergie du début, si tu veux. Ouais. Parce que j'ai commencé par écouter dans la playlist des 5 titres que je fais chaque semaine. Et en fait, les titres étaient très calmes, mais enfin calmes, un peu hardcore, mais du hardcore sympatoche, tu vois. Pas, pas la grosse patate, quoi. D'accord. Et en fait, quand j'ai écouté les premiers albums, là-dessus, je suis retombé, ah, d'accord. Donc, en fait, avant, ils étaient beaucoup plus en colère. Ok. Là, c'est pas comme les L7, quoi. Non. Ou ouais. Ils sont tout le temps en colère, ouais, pareil. Et que non, ils étaient un peu plus en, en colère. Mais c'est pas non plus le jour et la nuit, hein. Mais c'est juste que tu vois quand même qu'il y a eu une on voit qu'il y a eu un petit passage où ils se sont arrêtés, que quand ils ont repris c'était sûrement qu'il y en a qui ont eu des gamins, d'autres préoccupations, et que c'est ça, et c'est pas la fatigue aussi, ouais, voilà. Puis c'est pas, non, mais je suis pas en train de se dire que c'était moins bien, je dis c'est autre chose, ouais. C'est voilà, et ça sonnait un peu plus accessible. Voilà. Sans que les premiers albums soient totalement genre du pur hardcore que tu peux pas, mais tu sentais un peu moins la niaque, quoi. Ouais. Un petit peu plus voilà. À côté de ça, c'est très agréable, très sympa, et pour en revenir à Terror qui était cité tout à l'heure, je dirais que ça se rapproche plus d'un Terror que de Madball ou Hatebreed dans le style, plus ce côté-là, plus la voix un peu dans le style de Terror, et, okay. Avec peut-être le côté moins pur de Terror, tel comme le côté pur du hardcore pur et drôle, là il y a peut-être le côté moins pur. Après j'ai lu à droite et à gauche parce que j'ai des yeux qui sont, ah oui, carrément, autonomes. Tu diverges, ouais. Et en fait c'est un groupe qui était assez reconnu pour une certaine particularité dans les textes et tout ça, leur manière d'être, alors pas forcément engagé, mais de se permettre de dire les trucs, d'être peut-être virulent, voilà, ça, le terme. Oula. Et que du coup bah j'ai pas été voir de ce côté-là si c'était le cas, mais et que malgré leur retour, ils n'ont rien perdu de leur verve. Ah oui, de verve. Donc voilà, c'est quand même un groupe que je recommande parce que, en fait, si je vais faire une comparaison entre Terror et Modern Life Is War, sachant que j'ai eu les deux groupes cette semaine, je dirais que Terror m'a un peu déçu comparé à ce que j'attendais. Ouais. Alors que Modern Life, j'en attendais rien et m'a pourtant autant plu. Mais du coup, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, tu, ouais, peux approfondir. Je vais essayer. Terror m'a déçu, mais pas parce que c'est pas bien, parce que je m'attendais plus à autre chose et tout ça, et je m'attendais à trouver un autre truc. Modern Life, j'attendais rien du tout, et ce que j'ai écouté m'a assez plu. Et pour moi, les deux groupes sont un peu au même niveau, en fait. Tu vois ce que je veux dire cette fois? Oui, oui. Ah bah merci. Je voyais déjà au début, mais Flûte. Donc du coup je recommande quand même ce groupe, au moins allez-y, je trouve que ça ferait un bon groupe d'intro un peu pour aller vers du hardcore, sans avoir forcément envie de la bagarre, un petit peu, mais hardcore cool, voilà, tu sais, un petit peu de 2-3 petits pogo, mais pas obligé non plus de commencer à y aller à coups de tatane, quoi. Ouais, ok, ouais. Donc c'est sympa et ça passe, d'accord. Donc je recommande plus. Voilà, c'était les chroniques. Oui, d'accord. Bah, donc, jungle. Ah, tu encore? Bah, faut finir. Oui, bah, chronique. Voilà, papa, papa, la pam. Voilà, donc ça fait aussi 1h30 qu'on enregistre. On allait forcément y arriver à un moment ou un autre. On arrive au... On n'a plus de groupe. Bah, c'est la fin. Donc, 170 quand même, mec. Il nous en reste encore un. Ah, potentiellement, ouais, 169. Il nous en reste même plus que ça, parce qu'on a un peu fait l'impasse sur Arch Enemy, vu que j'en avais parlé avant, et on a fait l'impasse sur Jonathan Davis, qui n'avait que deux chansons, qui n'avait pas de chansons à l'époque, et maintenant qu'il n'y en a que deux, mais on en a déjà parlé. Donc on a tiré le dernier groupe qui était Bukowski, donc on va l'écouter tous les deux. Et si j'en retire un autre, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui sort et que j'ai zappé ou pas? Bah non, après là, ça retourne et ça recommence à zéro. Voilà. Donc maintenant, comment on fait pour combler alors? Est-ce qu'on pioche des groupes au hasard? Est-ce qu'on choisit? Ou est-ce qu'on pioche dans les groupes de l'autre? Les groupes que... Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je pensais? Donc, écoute, je vais nous noter sur Bukowski tous les deux, déjà. Là, par exemple, je vais prendre Batushka parce que... histoire de pouvoir en parler. Ça veut pas dire qu'on va refaire la bio. Hein. Ben non. Ouais. Donc, du coup, est-ce qu'on sera, on aura moins de travail? Comment on s'organise? Parce que... Écoute, on va pas forcément dire ça tout de suite. On va s'organiser le temps de... Hein, on va trouver un truc. On va piffer un truc. On va piffer un truc. Comme dirait Jacques. D'accord. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on parlera de Bukowski. Voilà. Et pour les autres, on verra. On vous tiendra au courant. Et on en parlera dans le prochain. Tout simplement. Au quoi ? Dis, on en parlera dans le prochain. Oui, enfin, je te rappelle que si on publie des groupes sur la page, face de Buc, il faut bien qu'on ait des groupes à publier. Ah, tu veux publier ? Bah, après, y aura Bukowski, mais les autres ont déjà été faits, du coup. Bah, plus ou moins, on a fait pas si longtemps que ça qu'on a commencé ça. Hein. Ah ouais, donc tu veux retrouver tout. Non, je sais pas, mais je sais pas. Mais t'es un déglingo. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, bah d'accord, en attendant, bon, on arrête là. D'accord. T'avais d'autres choses à dire ? Non, pas forcément, non. Ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir partagé. Hein, c'est vrai ? Pendant toutes ces années d'épisodes de podcast, et il était temps, en fait, d'y mettre un terme. Et donc... Voilà, c'est ça. C'est pas bien, ça, c'est... Non, je sais pas. Bah après, c'est toi qui sais. Hein. Bah, c'est ton bébé. Hein. Pff, arrête. Il est à nous deux. Mais déconne pas avec. ouais, non, bah... pas comme ça qu'on fait. Donc, en tout cas, manière, pas d'émission la semaine prochaine. Eh bah, bravo. Fais-en une tout seul. Hein. Ah bah tiens. Chiche. Kebab. Ah. Enfin. Enfin. Merci. Putain, j'ai prié pourtant. Putain, la vache. Du coup, donc, on se retrouve. Alors, attends, parce que. On se retrouve. Ouais. Non, mais on se retrouve. On se retrouve. Et on vous souhaite à tous plein de bonjours. Parce que, ouais, bon puis jour. Des bonnes nuits aussi, surtout. Ouais, une bonne nuit. C'est important, les bonnes nuits. Faut dormir. Faut se reposer. C'est important parce qu'au bout d'un moment, on vieillit et après. Voilà. Et puis, bah, voilà, je sais pas si ceux qui nous écoutent iront au Hellfest. Bah oui, c'est vrai, c'est pas bête. Bah oui, on peut pas savoir. Non. Hein. Donc voilà, bah préparez-vous. Hein, ah oui. Tout simplement. Parce que c'est dans bientôt un mois. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. Tu penses quoi des chaussures de randonnée ? Putain, on en parlait ce matin. Non ! Truc de dingue, je te jure. Ah, parce que moi, je me dis, ça se trouve, c'est la bonne solution. Hein. Mais putain, on en parlait ce matin. Quoi. Non, c'est vrai, que... les mêmes pensées au même moment. Non, parce que j'étais faire un tour à Decathlon. Ouais. Et en fait, il y a des chaussures mi-stylées, mi-machin, mais je pense que c'est une... Enfin... Je me suis commandé des pompes, mon pote. Ah bon ? Ah ouais. En rapport avec ça ? Non, parce que j'avais besoin de pompes. Ah bah moi aussi. regarde. Ah ouais. Attends. Ah ça... ouais, pire attends. Que moi. Non, t'as pas que celle-là. Oh putain. Oh le cadeau. Ah ouais, effectivement. Ah oui. Ouais, t'as beaucoup plus besoin de pompes que moi. Ouais, c'est celle que je mets au travail. Enfin, pour aller au travail. Non, je les mets à la hauteur de ce que je respecte. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu fais bien. Bon, bah écoutez, on vous laisse, hein, parce que on a beau se dévoiler, on se dévoile toujours un peu trop. Ouais, là, tu viens de me montrer ton talon. Du coup, c'est... Non, je t'ai montré ma chaussure. Il se trouve que tu vois le talon. Ah oui, c'est ça. Bah oui, bah... C'était un peu ce que ça... Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à nous faire des retours, hein, parce que... Oui, forcément, on l'a déjà dit. Ah, d'accord. Bah, alors... Moult fois. D'accord. Eh ben alors, continuez d'hésiter. Voilà, c'est ça. Et à bientôt. Faut pas hésiter, hein. Justement, on n'est pas... Enfin, on est juste des demi-dieux, c'est tout. On est des demi-dieux de la bière. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Le fameux Jacob. Et ouais. Parce que le B est muet. Bon, allez. Très bon, ça. À bientôt à tous. On vous apprécie fortement. Et on vous emmerde légèrement. Voilà. À une bonne semaine à tous, une bonne quinzaine à tous. Et à la prochaine fois. Bisous. Sur le bout. Oh putain, hey, t'enchaînes. Oh non, bah, j'ai pas pris autant pourtant, c'est bizarre. Oh bah, bisous. C'est la bière. Sur chaque joue. Voilà, hey sur les quatre joues, comme sur disait les... papy. Hein. Je sais pas. D'accord. Et à... Oh la vache. Non. Bon. Eh ben comment faut finir à un moment. Faut finir. Comment on va finir On pourrait donner la recette de la pâte à crêpes, mais non, on est pas d'accord. Non, on fait un pierre feuille ciseau et c'est celui qui perd qui termine. Oh la vache. Pierre feuille, t'as perdu. Salaud. T'as même pas été jusqu'au bout. Mais j'ai gagné. T'as gagné que dalle. Écoute, la vie est injuste. Mais t'as gagné que dalle. T'as fait pierre feuille ciseau. T'as rien montré. En mais plus. Si, t'as pas vu. Bah oui, bah justement. Tu dois être fatigué parce que j'étais très ça. Clair pourtant. Bon allez, on vous laisse. Et à très bientôt, très vite. On ne sait pas quand, mais vous en saurez. Il va nous raconter. Il aura plein de choses à raconter. Comme quoi, comment il s'est fait lapider en passant par la Belgique, tout ça. Ils vont tous m'attendre, en fait. Ah ouais, c'est ça. Hé, hey, regarde, c'est lui là-bas. C'est Jacques. Oh mon Dieu, on dirait Jacques. Oh putain, allez, c'est bon, pour mon vieillir. Faut aller dormir. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Quelle heure il est ? Minuit 41. Bah oui. Vache. 41, pardon. Bah c'est pas grave, ça fait 1h40 qu'on enregistre. Bah ouais, c'est ça. C'est parfait, c'est pile poil, c'est notre moyenne, c'est notre ratio. Allez, à bientôt ! Ouais, allez les filles ! Non, je... non, non, non. Levez les mains, ça fait pousser les seins. Non. Mais je vois même pas comment, en plus. Non, je sais pas. C'est... Techniquement, tu lèves les mains. Tu lèves les bras, à la limite, mais lèves les mains. Ouais, c'est ça. J'ai pas compris, moi, non plus. Enfin, d'abord, elles sont où, à la base ? Elles sont posées où ? Bah, c'est dans les manèges. Tu sais, c'est les mecs qui... Oh, est-ce que tu fais des manèges, c'est... Non, mais ce côté réverb, tu sais, les mecs qui sortent des trucs qui sont complètement improbables. Mm. Allez, c'est parti ! On dirait des trucs... Je ne comprends pas la vie. C'est fini. Oh, fatigué, hein, putain, la vache. Et moi, j'étais même pas, mais à la base... T'étais pas quoi, fatigué ? Ah, tu sais, la motivation. Quoi. T'avais pas de motivation ? Ah, ok. Non, mais c'est moi qui avais pas la motivation. Bah, non, mais moi, c'est... Non, enfin, non, tu me piques pas mes excuses. Hein. Tu te trouves tes propres problèmes, mon gars. Ça suffit. Non, bah ouais. Oui, mais non, mais c'est vrai, en plus. Ah bah non, bah voilà. Fatigue... Stress. Ah bon ? Ah ouais. Ah, moi je pense qu'on a, tu sais, on a quand même beaucoup donné dans cette deuxième saison. Ouais, mais je pense que c'est ça. Puis il y a un moment, tu tires sur la corde et tu peux plus. Quoi. L'avantage c'est qu'il nous reste qu'un groupe. Là on aura fini. Ouais. Et après, ce sera relâche. Vacances. Bah je sais pas, parce que c'est dans un mois quand même. Ouais. Un peu plus d'un mois. Bon, je vais regarder. Faudrait qu'on regarde combien il reste d'épisodes. Et est-ce qu'on y va d'ailleurs ? Où ? Bah Wellfest. On parle du FS depuis le début. Bah c'est ça, non ? Oh. Non, je sais pas. Ah non, moi j'étais pas du tout... Ah toi, tu, en fait, tu faisais un truc sur le métal. Oh, bah sur... J'avais sur le rock and roll. Non, bah j'avais trouvé un truc avec... j'avais fait une blague, j'ai trouvé un truc avec une affiche, il y avait des groupes, je trouvais ça sympa. On est pitoyable, en fait. On est ridicule. En plus, t'as mal écrit mon prénom là-dessus. Il y a, pas oh, y a un DAS quand tu l'écris comme ça. Ouais, genre du Compostel. On s'en fout. Très bien. Bon, allez, on se casse. Il faut aller se coucher. Jacques de Compostelle. Ah, mais c'est vrai que tu te lèves pas, toi, demain. Mais non, c'est pour ça, j'en profite. Et toi, tu te lèves demain ? Ouais, mais je sais pas à quelle heure. Ouais. Bah, j'ai pas d'heure, en fait. T'as pas d'heure, c'est ça ? Voilà. Les enfants sont en vacances. C'est ça. Faut que je me... Ta femme se débrouille. Elle fait son café toute seule. Oui. Oui. De ce côté, oui. Mais elle a quand même tendance, en ce moment, à me réveiller pour me dire qu'elle part. Ah, oh, la vache. Ah, ça, putain. Hé ! Non, mais... J'y vais. Et puis après, moi je ne dors plus. Hein. Ouais, ben bah voilà, c'est ça. C'est intelligent. C'est pas grave. Bon, si je lui dis, elle va mal le prendre, je la connais. Bah ouais. De toute façon, elle n'écoute pas. Déjà, non, puis c'est à la fin, donc elle a lâché depuis au moins les trois premières minutes, facile. Depuis le. Hey C'est ça. Oh non, c'est nul, vous me saoulez. Bon, allez, on se casse. À bientôt. Et. Ah, mais c'est le. Et... Ouais, c'est ça. Faut... C'est pas. Ah, mais c'est. À bientôt et allez voir Avengers Infinity War parce qu'à la fin, il...